Asseyez-vous près du foyer. Bonjour à tous pour notre première édition de Podstone. Donc, comme vous l'avez compris, c'est du podcast sur Hearthstone, fait par, par moi-même. Je sais que c'est pas bien de se dire en premier, mais par moi-même et Nico qui est juste à côté de moi. Bonjour Nico. Bonjour Jay. Donc moi, comme vous l'avez compris, c'est Jay, donc Jérémy, et Nico et moi, on est donc rédacteurs sur le site millennium.org pour la partie Hearthstone, forcément, sinon on n'aurait pas grosse légitimité. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu en tant que joueur, que joueur et que rédacteur? Well met. Je peux le faire. Donc moi, j'ai commencé Hearthstone lors des phases de bêta ouverte. Donc ça date, hein, ça doit faire... je sais pas, presque 5 ans, non? Quelque chose comme ça. Oui. Bêta ouverte, c'est quoi? C'est 2013, ouais. Et voilà, depuis, j'ai tout le temps joué. Globalement, je passe rang 5 tous les mois minimum. Parce que c'est assez simple. Après, le passage légende, c'est quelque chose qui ne m'attire pas spécialement, notamment quand tu l'as fait une fois. Après, je pense que c'est vite une corvée, c'était pas un pro player. Hearthstone était mon premier jeu de cartes, entre guillemets. J'avais touché vite fait à Magic et au TCG Duo en physique à l'époque, quoi. Mais pour le coup, c'est vraiment la patte Blizzard qui m'a attiré. Étant un ancien joueur de WoW, au final, c'était cool de retrouver tout cet univers sans retomber dans WoW et son addiction... Bonjour, je m'appelle Nicolas, je n'ai pas joué à WoW depuis 3 ans. Félicitations, tu as un jeton de... Oui, c'est un peu l'idée. Bon, après, il y a une addiction à Hearthstone, mais c'est... Il y a une addiction à Hearthstone aussi, ouais. Mais voilà. L'addiction de 20-30 minutes par jour, au pire. Donc oui, non, j'entretiens une relation d'amour-haine avec le jeu. Ah, c'est, selon les états de la méta, quoi. Selon les états de la méta, selon ma réussite. Oh, t'es pas drôle. Et voilà, quoi. Après, j'ai découvert d'autres TCG, ou CCG plutôt. J'en ai essayé pas mal, hein, le Gwent, TES, Shadowverse. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Slay the Spire dernièrement. Ouais, après, c'est un peu différent, Slay the Spire, parce que c'est pas du joueur contre joueur. Mais j'ai essayé aussi, c'est pas Smite, comment ça s'appelle? End of the Gods. End of Gods ou End of the Gods, ouais, je sais plus. Ah, OTG, ouais, c'est of the Gods, ouais. Ouais, et honnêtement, même si j'ai apprécié découvrir ces jeux, je reviens toujours sur Hearthstone. Voilà, quoi. Ouais, comme beaucoup de fanboys de Blizzard que nous sommes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, faut reconnaître que Hearthstone, c'est quand même le meilleur. Peut-être pas forcément au niveau du gameplay, ou de la profondeur ou de la complexité du jeu, mais au niveau de tout l'habillage, de l'ambiance, du background. Pour moi, c'est un jeu qui... Ouais, c'est le tout cumulé qui fait qu'il est meilleur, quoi. C'est un jeu réjouissant, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Oh, c'est mignon. Ouais. C'est un jeu réjouissant. un jeu réjouissant, mais des fois, t'as envie de le balancer par la fenêtre. C'est ça, ouais. C'est l'idée, ouais. Je vois le genre, ouais. Mais du coup, si je peux me permettre, donc moi, pour ma part, c'est un peu le même cas, sauf que moi, c'est effectivement fanboy Blizzard depuis Warcraft 1. Donc maintenant, j'ai dû commencer ça quand j'avais 13-14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, j'ai fait Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3... j'ai beaucoup travaillé sur Warcraft 3 et ensuite les joueurs de WoW étaient mal vus sur Warcraft 3, mais je me suis quand même lancé. Et puis j'ai pas décroché de WoW, un petit peu comme toi, sauf que j'ai pas réussi ma cure de désintox et que je joue j'achète chaque extension et puis final je fais toujours les raids en HM et après j'attends l'extension d'après. Et Hearthstone, c'est pareil, c'est venu un peu naturellement. Et Et puis, par rapport à la rédaction, justement, ça m'est venu effectivement un peu plus tard. Enfin, pour être précis, au moment de la victoire de Pavel, maintenant il y a un an et demi, on va dire, à la BlizzCon. Ouais, déjà. Dit, ouais. Ouais, ouais. Toi, c'était effectivement depuis deux ans avant, je crois, un truc oui, comme ça. Moi, c'était juste avant le grand tournoi. Oh my god. Où je me suis dit. Je suis content de ne pas avoir reçu avant. Où en fait, ma réflexion, ça a été. Du coup, oui, je suivais la Millennium TV à l'époque. Enfin, c'est vraiment longtemps avant l'Arma Team. où bah voilà, il y avait Torque, Marmotte. Et voilà, je me suis dit, mais voilà, je passe énormément de temps sur ce jeu. J'ai vraiment envie d'écrire et de partager mon expérience et tout. Donc autant mêler l'utile à l'agréable, quoi. Enfin, autant être créatif, tu vois, en plus. Ouais, c'est oui, ça a rentabilisé le truc, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Il y a des milliers d'essais à se faire, c'est pas le problème, mais c'est qu'effectivement, c'est cool de pouvoir partager ça, ne serait-ce que dans la rédaction avec les autres gens sur Discord, puisque. Ouais, non, c'est vrai que bah, moi, c'était aussi un peu ma réflexion, et puis, ouais, c'est vraiment. Parce qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu, mais qui jouent en casual, c'est pas un terme péjoratif, mais qui vont y jouer, qui vont faire 10 games dans la semaine, mais c'est clairement pas notre cas, et on a envie tous les deux, je pense, il n'y a pas que nous deux, hein, mais de parler de théorie craft, de stats, de oui, plein ça, de choses. C'est un truc un peu plus poussé que l'utilisateur lambda, quoi, que oui, le c'est ça, viewer commun. Pour le coup, c'est une vision plus méta du jeu, mais. C'est exactement ça. Et du coup, moi, je suis. Toi, je sais que tu es plus joueur contrôle en général, même si tu cèdes des fois au côté obscur. Ouais. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je puisse me définir vraiment comme un joueur contrôle. C'est juste que j'aime changer en fait de gameplay. D'accord. Et surtout, j'aime pas perdre. Donc, en gros. Ouais. C'est une idée directe. Mais ça ferait de nous des bons compétiteurs potentiellement. Si ouais, c'est sûr. C'est sûr. S'il y avait le temps et tout, faire tout ça. Mais... Certes. Mais ouais, pareil, perdre, c'est le pire truc qui a été inventé. Hein. Et du coup, bah, effectivement, c'est un peu comme Nico, c'est très compliqué des fois de jouer pendant des heures parce que ça tilt après 5 games. Enfin, ça, voilà. Et je ne sais pas comment font les joueurs pros pour ne pas tilt, mais ouais, c'est respect. Ça. On abordera ce sujet dans un épisode prochain. Sur le précédent, ça va être compliqué. Précédent, ouais. Et donc, toi aussi, tu as touché finalement à d'autres CCG. Est-ce que tu avais une expérience des CCG avant Hearthstone, ou est-ce que c'était ton premier? Alors, bah, pour le coup, c'était pas encore des CCG, puisque c'est limite sur le premier CCG sur plateforme PC. Enfin, bon, c'est peut-être pas le premier, mais le premier qui soit décent, non? Après, mais non, j'avais pas sur PC, c'est sûr que non. Mais en version papier, oui, j'avais joué beaucoup à Magic pour le coup. Oui, donc tu étais un joueur de Magic quand même à la base. Voilà, ouais. Donc, effectivement, ce genre de mécanique et tout, ça m'intéressait déjà beaucoup, beaucoup de base, ça c'est clair. Ouais. Mais après, j'essaie de me souvenir, est-ce qu'il y avait eu des CCG, donc les versions digitales, sur PC ou quelle que soit la plateforme avant Hearthstone? Il y en a forcément eu. Bah, si, il y avait un Magic, mais dégueulasse. Enfin, ouais, il y a eu des Magic à toutes les sauces et tout, mais c'était que des jeux assez horribles et plus de l'aventure que du PVP, on va dire. Donc, c'était assez. Ouais, c'était limite. On peut les oublier, je pense. Ouais, je pense aussi. Il y en avait une tripotée aussi sur l'App Store. Ouais. Non, mais. Enfin, non, mais je parle de jeux aboutis qui est censé toucher du monde, on va dire. Quoi. Ouais. C'est un peu plus compliqué de parler d'avant Hearthstone. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de vraiment pertinent. Mais bon, après, on peut se planter, on ne sait jamais. Et du coup, ben, pour un petit peu commencer les débats, parce qu'après, on n'a qu'une heure devant nous, une heure c'est et vrai, quelques. Ouais. On voulait évoquer quelques news, en particulier, ben, donc là, les news qui sont déroulées dans les deux dernières semaines, on va dire. Donc, il y a eu le patch, bien sûr, mais on reviendra dessus juste après. Et on avait surtout à évoquer le nouveau système de vote des AGG et puis quelques autres. Donc, toi, justement, ce nouveau système, donc je vais juste le répéter pour les gens. Le nouveau système, c'est que le premier joueur de chaque nationalité qui sera premier au point HCT sera automatiquement capitaine de l'équipe, comme l'année dernière. Et par contre, on ne pourra plus se présenter et être élu si on est, on va dire, seulement un streamer qui n'a pas de point HCT. Ça ne marchera plus comme ça. Ça sera les huit suivants au point HCT qui seront qualifiés pour un vote. Et ensuite, les gens, enfin la communauté, choisira 3 de ces 8 joueurs, en fait. Alléluia! Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Mais moi, je pense que c'est une excellente chose. Enfin, honnêtement. Mais pourquoi, surtout? Mais parce que au final, de faire une compétition avec des gens qui n'ont pas le niveau, je trouve ça déjà absurde. Enfin, ok, c'est bien la hype, on est content. Il y a nos streamers préférés qui sont là. Mais si c'est des joueurs d'arène ou des mecs qui, de toute façon, n'ont pas du tout le skill pour... Enfin, voilà, ça crée des déséquilibres dans les équipes, sachant qu'il y a des équipes qui sont extrêmement fortes. Ah oui, oui, clairement. Et puis, il y avait des joueurs qui étaient et forts et populaires. Et, en voilà, plus. C'est ça. Enfin, tu vois, que ce soit l'Ukraine ou... Effectivement, on a vu la finale, c'était pas des rigolos. C'est République tchèque, la finale, je me rappelle plus. République tchèque-Ukraine, oui. Ouais, c'est ça. Et bon, bah... Enfin, je trouve que c'est dommage de se tirer une balle dans le pied juste pour avoir un mec qu'on kiffe un peu plus qu'un autre et faire perdre son pays comme ça, quoi. Enfin, pour le coup... Bah, c'est vrai qu'après, de ce qu'on a vu, l'année dernière, on va parler forcément pour l'équipe de France, mais de ce qu'on a entendu et vu sur les forums et tout ça, c'était clairement... a priori, c'était Disdemon qui s'occupait de faire chaque fois toutes les line-up, qui préparait les decks pour tout le monde, en fait, quasiment. Ouais. Et ensuite, les autres jouaient, on va dire, et jouaient plus ou moins bien. Bien sûr, on est en équipe, on communique, c'est encore différent, mais c'est lui qui se tapait tout le boulot. Je dis pas ça parce qu'il était Millennium, ça a rien à voir. Il aurait pu être de chez Gamers Origins, ça aurait été pareil. Mais c'était lui qui se tapait tout le sale boulot, et qui, en plus, des fois, n'avait même pas besoin de jouer parce que les autres avaient soit tous perdu avant, soit tous gagné. Et du coup, donc il a fait, ouais, de ce côté-là, c'était, je pense, très frustrant pour lui. Bah, je pense, oui. Et puis bon, entendons-nous, les joueurs de l'équipe n'étaient pas de mauvais joueurs. Enfin, c'est pas non plus des brels. Tu vois, beaucoup se foutent de la gueule de Marmotte, mais Marmotte est capable de faire des perfs en tournoi. Enfin, l'était en tout cas. Je pense pas qu'il se donne. Il a encore fait deuxième à la GA l'année dernière, ce qui est pas. Ouais, voilà. Mais oui. Je suis pas sûr que récemment là, ce soit vraiment dans ses préoccupations. Non, oui. Mais voilà. Enfin, pour le coup, c'est juste que autant prendre les meilleurs. Enfin, pour le coup. C'est plus ça, quoi. Puis des gens qui sont vraiment rompus à la compétition. Parce qu'en fait, alors moi je me dis que je suis peut-être un peu complotiste sur le coup, mais c'est que est-ce que Blizzard a pas fait justement cette première édition pour la hype, pour concerner les gens, pour que ça justement, pour que ça touche une grosse partie de la communauté, et ensuite pour resserrer les boulons l'année d'après, est-ce que c'était pas déjà dans leur plan au début Moi je pense pas. Je pense que c'était pour eux, c'était. Enfin, pour moi, c'est évident que pour eux, il y avait une approche plutôt marketing, quoi. Enfin, l'idée, c'était d'être fédérateur et comme tout marketeur qui se respecte, de chercher l'engagement, tu vois, de la communauté. Et voilà. Et là, ils se sont rendus compte que finalement, OK, il y avait eu un engouement, mais que au final, c'était pas très juste comme système. De juste récompenser la hype, quoi. Ah oui, non, mais ça, on est clair. D'une part, et qu'ensuite, finalement, les streamers, peu habitués à la compétition qui avaient été élus, on ruine leur équipe. Oui, après, on rappelle juste qu'on ne parle pas nécessairement que de l'équipe de France. On ne parle pas que de l'équipe de France. Enfin, honnêtement, moi, j'ai suivi les HGG de loin parce que deuxième problème des HGG, la longueur, le temps entre chaque match, le nombre d'équipes qui s'affrontent un truc est allé sur je ne sais plus combien de mois, mais c'était au moins 6 mois, enfin hein, c'est en tout, oui, de la première phase de groupe à la aux phases, enfin genre au 8e, puisqu'après le reste c'était à la Gamescom là. Non, c'est ça. Ouais, c'était. Et à regarder, je pense encore pire pour les casters. Ouais. Je pense que ça devait être parce que c'est pas du tout condescendant, mais regarder un match, j'ai n'importe quoi, Pérou-Mexique. Maintenant, on connaît une joueuse mexicaine qui est. Je crois que c'est mexicaine, hein, qui est Patra, là, qui maintenant est connue, entre guillemets, grâce à ça. Ouais. Mais, et puis, un Empanisado, là, qui est aussi. Qui était au playoff et tout ça. Mais sinon, enfin, dire le mec là, personne le connaissait, personne n'avait envie de le voir en fait. Enfin, du moins en Europe, j'imagine. Non, c'est sûr. Mais oui, effectivement, c'était hyper long. Et là, si je me plante pas, ils n'ont pas annoncé encore le nombre de pays, mais je crois qu'ils ont réduit un peu. Que c'était 64, je crois. Ouais. Et ça devrait passer. Enfin, peut-être que ça passait à 48 ou 52, ça multiplie de 4, ça. Non. Oui, si, ça multiplie de 4. Non mais voilà, ça devrait effectivement mieux se goupiller à ce niveau-là. Mais ouais, non, c'est vrai que Alors, je pense que forcément, les gens concernés, qui savent qu'ils sont populaires, mais qu'ils n'auront pas de points HCT ou très peu, bah, ceux-là, ils l'ont eu un petit peu mauvaise. Après, il Ouais. y en a sûrement que ça va transcender pour se dire, bon, bah, il faut que je tryhard. Et il y en a qui vont se dire, bon, bah, de toute façon, c'est pas mon année, et puis je ferai autre chose, quoi. Oui, voilà, après ça va forcément comment dire entraîner Créer un clivage. entraîner une compétition entre les joueurs d'une même nationalité et peut-être même des comment dire enfin il va peut-être y avoir des dissensions ça va peut-être créer des tensions même finalement c'est Ouais, mais après, j'imagine quand même que de toute façon, chaque joueur, quel qu'il soit, on va dire à ce niveau-là, il est censé avoir un esprit de compète super développé, quoi. Ouais. Mais bon, au moins, il n'y aura Ça. pas d'injustice comme a pu la vivre Kallax, je sais pas si tu te rappelles, pour les Oui, HGG, bien sûr, oui. où il avait, enfin c'était peut-être le, je sais plus, le troisième ou quatrième français au niveau des points, peut-être même plus haut, hein, et qui n'a pas été sélectionné par manque de popularité, quoi. Oui, il était même pas genre dans le pool des gens C'est ça, c'est ça. sélectionnables, quoi, éligibles, Exactement, du moins. exactement. Ouais. Ah ouais, Donc non, c'est clair. voilà, non, moi, pour conclure, parce que on commence à passer pas mal de temps dessus. Ouais. Je dirais que c'est plus juste et Oui, que c'est sans vrai. doute ça offrira un spectacle un peu plus, en tout cas un peu plus un peu plus qualitatif au niveau du jeu et des équipes sans doute plus équilibrées puisque ce seront vraiment la crème des joueurs de chaque pays qui s'affronteront. Clairement. Clairement, clairement. Sinon, en autre petite news, la semaine prochaine, donc le 19 plus exactement, donc le 19 jusqu'au 11 mars, 19 février au 11 mars, il y aura le retour de l'arène en format wild, donc enfin, libre pour les puritains du français. Et donc. Avec son autre nom, la fête du slip. Ouais, voilà, ça va être un petit peu le retour de Dr. Boom, de Renault. De Renault en arène, c'est compliqué, mais. Du déchiqueteur piloté. Ouais, voilà, de Sylvanas. D'ailleurs, si, si Alistra, ouais, bien Ouais, sûr. bien sûr, ouais. Et ouais, qu'est-ce que ça t'inspire du coup? Est-ce que c'est une manœuvre de Blizzard pour nous Oh. faire poireauter le chaland avant l'extension ou... Bah, il y a toujours deux. Enfin, y a tout, c'est toujours dans leur optique. Ça, c'est évident que rien n'est gratuit. Moi, je suis cynique, hein, peut-être, mais pour moi, il n'y a jamais rien y a jamais de hasard, tu vois, dans ce genre de truc. Et en même temps, bah, il y a aussi la volonté de sans doute de contenter un minimum les gens qui restent fans du libre. Ça, c'est évident. Et pareil. Dans notre point de vue, oui, je pense que ça permet de donner un peu de contenu, un peu d'événementiel, qui disent aux gens, ouais, bon, si vous avez un peu arrêté Hearthstone parce que vous vous y ennuyez profondément, là, on relance les arènes wild, donc Oui, voilà, ouais, c'est bien. revenez, quoi, c'est cool. En plus, c'est un événement limité dans le temps, donc c'est maintenant Mais qu'il faut venir. et d'ailleurs aussi, juste pour suivre, enfin pour rester dans cette veine-là, on avait oublié de le mentionner, mais je crois que c'est le dernier. Il y aura un des week-ends en fait, pas un des week-ends, mais un des bras de fer, donc qui dure 4 jours habituellement, qui sera en bras de fer mode héroïque, donc tu sais, où tu dois prendre un deck, créer Ouais. ton deck et tout ça, et ça sera un bras de fer héroïque en mode wild aussi, pendant la même période. D'accord. Ouais. Donc tu devras faire 12, enfin 12 wins, enfin si possible quoi, contre des autres vrais joueurs aussi. Ouais, et puis ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de bras de fer héroïque. Ouais, mais là, bras de fer héroïque en wild, ça va être. Ouais, Bah, j'imagine qu'au final, ça va être Bah, genre pas d'ailleurs Murloc qui va gagner, ils l'ont mais. fait déjà, je dirais. Ah ouais? Ah, possible. Ah ouais, ils l'ont fait déjà. D'accord. Bon, j'ai tellement pas suivi le wild. Ouais, non, c'est clair. Puis bon, après, les bras de fer héroïque aussi, ils arrivent toujours stratégiquement juste avant les sorties d'extension, histoire de vider les poches des joueurs. Oui, C'est après, bah, aussi, tactiquement, hein, c'est bien joué. c'est Hein. ouais, c'est bien joué, mais c'est un peu fourbe. Ah bah oui, carrément. Hein, bah, j'aimerais bien effectivement qu'ils remettent avant chaque extension la quête de Ragnaros, là, qui doublait les récompenses de quête et tout ça. Là. Ouais, Enfin, les ouais. 2 semaines de Ragnaros, ça c'était bien, Non, bien c'est clair. efficace, clairement. Mais bon, puisqu'on parle justement des stratégies pour faire revenir les joueurs, donc on a eu aussi le bundle il n'y a pas longtemps. Genre, voilà, C'est quoi, c'était 30 paquets Un paquet pour 20, ouais, 20 euros, allez. pour 20 euros. Bon, C'est pour un souvenir. c'est pas un vrai cadeau, mais ça reste voilà, une ristourne, quoi. Bah sinon, ça fait de 30 paquets, c'est combien? Je sais plus, c'est 30, genre 35, un truc comme ça, 35, Ouais, 36. non, c'est ça, mais Au bon, final, c'est effectivement pas. dis-toi que là-dedans, il y a quand même deux paquets sur les trois qui partent en wild, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Bah Non, non, ils partent un pas en seul. wild. Il y avait quoi? Il y Mais non, avait. aucun. Ah non, aucun. Mais non, c'est le truc de cette année. Ah, je suis mauvaise langue. Non, non, du tout, Bah, je du sais tout. pas, dans ma tête, il y avait Gadget, mais non, en fait. Non, non. Non, c'était Un'Goro, Lich King et. Ouais, ok. Ouais, donc là, pour le coup, ça me paraît plus cohérent, mais ça démontre quand même une volonté de ramener des gens, tu vois, en disant, ah, il y a des paquets pas chers, vous voulez des cartes? Je sais pas. Ouais, non, mais Je sais pas c'est. trop. Bah, après, bah, enfin, de toute façon, toi comme moi, effectivement, on a fait les pigeons et on l'a pris. Bah oui, évidemment. Perso, j'ai pas eu Non, mais. légendaire sur les 30, hein, mais bon, tant Non, mais pis. moi, je ne peux pas échapper à la solde. Ouais. Et donc, oui, ça c'est dispo jusqu'au 11, ouais, 11 11 mars. mars. Et ça vient, bah, justement, si on peut en parler aussi 3 secondes, ça vient s'intégrer dans le. Dans l'annonce de la quête des 3000 packs, là, enfin, des 3000, Ouais. donc 183 000 Le packs en tout ticket disponibles. d'or, charrier la chocolaterie. C'est ça. Et ça, bah, malheureusement, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Ouais, bah Donc ouais. l'event est fini, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est une post-sélection des gens quand on fait leur quête, mais ça me paraît compliqué en plus à. Enfin, comment. Enfin, moi j'étais. Dans ma tête, c'était censé, genre, t'ouvres ton paquet, t'es direct. Enfin, directement, t'as un truc aléatoire qui se Ah met mais en branle. t'ouvres ton paquet de quoi en fait? Parce qu'il y avait en fait il y Ah avait non, pas c'est même vraiment de pas points. paquet, c'est tu valides ta quête. Ouais, c'est Ben ça ouais. en fait. Ouais, je sais pas pourquoi je dis paquet. Tu valides ta quête, et là, bah. Genre, c'est connecté à une espèce de nouvelle routine aléatoire qui tire au sort. Et si tu fais partie des heureux sélectionnés, ça t'affiche un message. Ouais mais tu vois ce genre de truc effectivement moi aussi j'aurais vu ça comme ça mais ça aurait été data miner ces infos et Ouais, ces bah c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune trace. feux d'artifice spéciaux je sais pas quoi. Bah Hein. ouais. Non, que ce soit au niveau du. Enfin, en tout cas, moi, là, j'ai un peu décortiqué les sons d'Hearthstone récemment. Et il n'y a aucune trace de ce truc, hein, pour le coup. Hein. Ouais moi effectivement là maintenant, après coup je me dis surtout que ils vont genre enfin faire du ils vont faire du tirage au sort maintenant et ils vont envoyer un mail aux Eurogames. Enfin, je vois ça comme ça parce que enfin, Ouais, mais je alors, sais pas. pourquoi ce délire des quêtes? Mais parce qu'ils vont prendre genre combien t'as fait de quêtes, combien genre ce compte-là il a fait j'ai n'importe quoi 15 quêtes. En tout dans le monde, il y en a genre 5 milliards qui ont été faites dans la période-là. Et ben le mec là, il a 15 chances sur 15 milliards de... Non, enfin, d'avoir le gros lot. Et après, bah, plus tu descends dans les lots, plus tu as de chances de les avoir. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça en fait. Mais c'est obscur. Enfin, pour le coup, c'est très obscur. Effectivement, c'était en théorie, tu avais une chance par jour où tu faisais une quête en fait. Sauf que bah, Ouais. quand tu faisais une quête, genre si tu avais oublié un jour d'en faire une et que le lendemain t'en faisais deux, je suis pas sûr que ça compensait en fait. Bah, c'est pareil, ouais, je pense pas. Pense pas, Mais hein. en même temps, je me demande comment leur algorithme peut gérer ça, quoi. Tu vois, ça me paraît extrêmement complexe à coder pour un truc. Enfin, pourquoi se prendre autant la tête, en fait? Ah, je sais pas. Ou alors ils vont faire full random et en fait. Moi, j'ai plus l'impression que ce sera ça, hein. C'est en gros, ils vont voir les gens qui se sont logués, quoi. Ouais, c'est possible. Qu'on jouait quoi mais bon enfin pour le coup voilà, les chances sont bien inférieures à celles de l'euro-million quoi Et du coup, vu qu'il a justement, on a plus beaucoup de temps, je pense, pour cette première partie. ouais juste je voulais évoquer la rope Justement, voilà. la Le corde raccourcissement de la corde, c'est vrai, voilà c'est. le raccourcissement de la corde au premier tour uniquement C'est même les deux premiers d'ailleurs. c'est bah, le premier tour de chaque joueur non je crois pas que c'est les deux premiers. Ah bah enfin moi j'avais lu les deux premiers, mais c'est effectivement peut-être celui de chaque Oui, joueur je alors. pense que c'est, il compte D'accord. vraiment chaque tour de joueur, quoi. Et du coup, bah, toi, t'en penses quoi? Enfin, ça te dérange? Tu trouves que c'est une bonne chose? Bah en fait ça dépend je pense de quel point de vue on se place, mais en tant que joueur, enfin on dire quand on fait du ladder et tout, effectivement. Ça me dérange pas, enfin même limite ça m'arrange parce que moi je suis plutôt du genre à jouer rapidement et à Ouais, étudier pareil. mon tour pendant que l'autre fait son tour. Mais effectivement je me dis que les mecs en tournoi, surtout quand tu joues un deck aggro, C'est ça, ouais. C'est surtout ça. t'es content en fait d'avoir ta minute et des brouettes pour, euh, pour étudier tout ce que l'autre peut faire. Si toi tu joues ton T1, ton T2, ce que tu, si tu vas pièce un deuxième T1, ce genre de truc. Oui, te projeter un peu dans ta stratégie par rapport à ta main et du coup savoir. Enfin, tu vois, quelquefois tu vas perdre 30 secondes à décider si tu coignes ou pas, par exemple. Bah ouais, c'est exactement ça. Pour éviter une AE après, ce genre de c'est truc. C'est ça, ouais. Et du coup, je pense qu'effectivement, ces mecs-là, ils ont pas dû accueillir le truc très bien. Et on en revient, on a peut-être toujours au serpent de mer du si un jour il y avait un mode tournoi qui était fait, bah je pense qu'ils enlèveraient ce changement de corde en fait. Ça fait maintenant 10 jours que les nerfs sont tombés. Et forcément, le ladder a été complètement chamboulé. Vous avez été jugé. Vous n'êtes pas digne. Les decks les plus populaires ont rapidement disparu pour la plupart. D'autres se sont adaptés. Et toi, Jet, t'as vécu comment, en fait, ce nouveau ladder, cette nouvelle méta ? Il prend bien. Il prend bien. Grave. Bah, tu joues des mocubes, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, je joue rarement les decks mainstream, en fait. C'est pas ma passion, clairement, mais je joue pas non plus les decks complètement obscurs, mais entre les deux, quoi. Et j'aime bien jouer genre du T2 ou du T3 et puis prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Indubitablement. C'est important. et du coup, non, moi j'ai pas mal joué depuis le voleur miracle contre toute attente fonctionne bien parce que. Parce que tu sapes les gros vilains ou les cubes ou les. Contre Lord. Contre démonistes, je pense que c'est un match-up assez favorable. Hein. Ouais. Enfin, après, si les mots cubes, ils te rentrent dans l'art et ça peut très mal se passer. Faut que tu aies une sortie parfaite, quoi. C'est ça. Mais sinon, non, je sais. Ouais, c'est pareil, les géants on curve, ça doit être compliqué. Oui, plutôt. Quand tu te prends j'évite d'y penser. Quand tu prends ton géant T4, tu fais ouais, ok. Ouais, non, mais c'est. Non, on est d'accord, hein, de toute façon, après le démo cube, lui, il reste super, super fort et polyvalent, mais au moins, on se prend plus de Raza T5, Anduin T8, pardon, et puis on meurt au T9 ou T10 grand maximum, quoi. Ouais. Non, votre victoire ne prouve rien! La méta, donc, ouais, est plutôt transformée, et justement, il y a un article d'analyse de stats sur HS Replay qui montrait qu'en fait d'avoir nerfé autant de cartes neutres, donc on exclut Raza pour le coup, on parle plus de Patches, Palfroid et Vertunelier. Et Capitaine. Et Capitaine. Avec qui tu fais Capitaine induit par Patches. Et même par extension Kelesset. Voilà, et que finalement, on se retrouvait avec une méta où les neutres n'étaient plus les cartes top jouées. Enfin, parce que c'était incroyable, le Vertunelier, il était dans 40% des decks, je crois, quelque chose comme ça. Patches, comme le Drake Azur à l'époque, on va dire. Patches, pareil, c'est un truc incroyable, quoi. Et oui, c'est ça, ouais, c'est du même acabit. Et voilà, du coup, on revient sur une méta où les cartes de classe reprennent un peu le pouvoir, ce qui est une volonté de Blizzard assumée depuis très longtemps. Enfin, on parlait du Drake Azur, c'était également une des raisons du nerf. De toute façon, Drake Azur, Sylvanas, Ragnaros, c'était pour les mêmes raisons. Et bien avant, la chouette et le BGH, le chasseur de gros gibier, qui ont été nerf de manière assez forte, pour forcer les gens à jouer leur removal de classe et ouvrir des perspectives d'ajout de nouvelles cartes avec des effets. Des effets de silence de classe, genre la 5-5 en prêtre qui c'est silence, ça, ouais. Ou qui est forte hein, dans l'absolu. Ou de jouer des vols, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, d'ailleurs, j'ai jamais su. D'où ça venait le terme nerf, en fait. C'est parce que moi, ça me fait penser à que ça faisait descendre l'énervement des joueurs. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment. Attends, j'ai trop les nerfs. Non, en fait, nerf, c'est un terme argotique qui vient du rallye auto à la base. C'est, en gros, ça, c'était pour désigner les mousses de rembourrage sur les voitures. Et un peu plus tard, dans les années 70, tu as une marque qui a repris ce terme pour en faire sa marque, justement. Et justement, leur marché, c'était des jouets en mousse. À la base, notamment des ballons en fait, pour jouer en intérieur, des ballons de volley, de foot. Enfin, ils ont fait plein de trucs comme ça. Et même pour les jouets les plus connus, c'est début des années 2000, 2000, 2004, ils seront célèbres pour des armes en plastique, notamment les fameux. Toutes les pubs que tu vois avant Voilà, Noël et tout l'hiver, les là. blasters qui lançaient des fléchettes en mousse, des fléchettes en mousse, c'est C'est pas facile à dire. extrêmement compliqué à articuler. Voilà, donc ça c'est. Et voilà, et donc, mais finalement, c'est bien plus tôt que le terme a été utilisé dans le monde du gaming, c'est dans les années 90 où ça arrivait chez les joueurs de MMORPG sur Ultima Online à l'occasion des équilibrages du jeu, quoi. Donc c'est une D'accord. espèce C'est quoi le de. rapport avec... C'est une espèce de métaphore en gros, c'est que quand tu vois par exemple tu rééquilibres une classe, un objet ou un skill, l'objet du nerf devient moins puissant. Donc du coup, ça devient un peu un objet en mousse, tu vois. D'accord. Allez, Et oula. Ouais, voilà, c'est... Ouais. ouais, c'est très, Je l'aurais jamais trouvé, c'est de la celle-là. surmétaphore. Et voilà. Et du coup, un terme qui est resté assez longtemps en niche, enfin un terme de niche dans les MMO. Très utilisé dans WoW, enfin, j'imagine que c'est là que tu l'as découvert toi aussi, Ouais. qui est devenu, par extension, c'est devenu un terme générique quasiment dans tout le jeu vidéo. Enfin, Bah oui, bah après, enfin, je joue pas non plus à tant de jeux vidéo que ça, mais effectivement, à chaque fois qu'il y a un patch, un truc comme ça, c'est effectivement le nerf de machin, le up de machin, quoi. Oui. ouais. Pas le jeu, effectivement. Mais enfin, revenons sur Hearthstone. Au final, tu vois, les nerfs dans Hearthstone. C'est quelque chose comment dire, qui a été une nécessité dès le début pour le game design et maintenir un équilibre dans le jeu. Surtout, enfin, c'est dans les jeux où il y a des classes Oui. très différenciées, surtout dans les jeux joueurs contre joueurs, l'équilibrage, la balance, c'est primordial en fait pour que des classes soient pas délaissées, que les gens soient pas frustrés de jouer certaines classes. Oui, bien sûr. Voilà. Après, Blizzard, lui, dit toujours qu'ils ne peuvent pas finalement faire un équilibrage parfait. C'est-à-dire qu'en Parfait, gros, oui. que pendant une extension, les 9 classes soient jouées et tout aussi puissantes les unes que les autres. Au final, s'il y a une rotation pour les cartes, il y a aussi une rotation pour les classes, en quelque sorte. Qui vont avoir un power level plus ou moins élevé selon les extensions ou plutôt selon les années, parce que maintenant on parle plutôt en années, en groupement d'extensions. Ah ouais. Oui, c'est vrai que bah, pour l'instant, il y a eu quoi? Il y a eu une grosse période, une énorme période chaman, une période, on va dire quand même druide, parce que bon, ouais, une énorme période prêtre. Ouais, Après, est-ce qu'il y a eu le hunt aussi, Fossoyeur? Est-ce que c'est vraiment une grosse période? Je ne sais pas. Ah si, bah, il y a une période Hunt, il y a une Mais. période Mage aussi. Au tout début, D'accord. d'Hearthstone, le mage était vraiment extrêmement J'avoue que ça puissant. fait Il y a tellement eu une longtemps que j'ai. période paladin avec le paladin secret, tu vois. Enfin, chaque classe a finalement plus ou moins eu son heure de gloire. Là, ça va être un peu le démon. Là, maintenant, c'est le La démon. période du rogue miracle, évidemment. La Mais c'est. période du guerrier grim patron. Enfin, tu vois, Mais c'est. du coup, en fait, moi, ce qui me pose surtout question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres jeux, alors je ne les citerai pas, mais c'est plus souvent genre des MOBA ou des trucs comme ça, où il y a des nerfs vachement plus rapidement, en fait. Oui, Où ils n'attendent pas, effectivement, c'est ça. que tout le monde, que Reddit soit blindé de centaines de posts de j'en peux plus. Avant de procéder à un nerf, et du coup, ils font ça, je sais pas, sous 2 semaines, par exemple. Oui, mais ça, c'est un des plus grands questionnements sur Hearthstone. C'est pourquoi une réactivité aussi lente, enfin, quand les problèmes sont identifiés quasiment. J plus 2 ou 3 des sorties de cartes pétées, tu vois. Enfin, Voire même des fois avant la release, quoi, limite. ouais, des fois, rien qu'à Bah genre l'annonce de la Fléau carte. Ultime, quand Trump avait annoncé Fléau Ultime, c'était direct. Ouais, c'est clair. Moi, pour te dire, naïvement, je me suis dit, la carte est vraiment complètement forte, mais je me vois pas jouer 2 sorts à T10 dans un druide, quoi. Tu vois, enfin. Je trouvais que c'était c'était too much quoi. Et en fait, non, c'est pas too Maintenant, much tous quoi. les druides en ont deux, à C'est part les ça. druides. C'est ça, Okay. exactement. Même les druides mid et tout, ils en ont deux, quoi. Bah ouais. Donc c'est ouais, mais. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on prenait pas nécessairement en compte le fait que, Et c'était, je crois, Tars qui l'avait expliqué le plus simplement du monde. Si tu en as deux dans ton deck, tu as deux fois plus de chances de le piocher. C'est con comme. C'est ça, c'est la base. C'est, voilà, c'est la base. C'est vrai que c'est assez rare finalement qu'un druide joue ces deux fléaux à moins d'être un druide jade et du coup d'avoir cyclé suffisamment de jade pour pouvoir piocher. Parce que clairement. Si tu t'es fait guest, jouer deux fléaux, c'est mourir de fatigue hein, quasiment. Oui, normalement, oui. Enfin, surtout globalement, tu pioches pas qu'avec fléau, donc ouais, c'est assez violent quoi. Mais voilà, donc ben, pour le coup sur Hearthstone, il y a eu des nerfs très tôt, des nerfs très violents, et notamment alors pendant l'alpha et la bêta. Donc toi, t'es arrivé un peu après, il me semble. Ouais, j'ai commencé au tout début, on va dire à la release du jeu, mais l'alpha et bêta, j'ai quasi pas joué. Ouais, mais voilà, on peut citer des petits exemples, tu vois, assez marrants, quoi. Par exemple, dans les cartes vraiment qui sont très jouées actuellement, attaque sournoise du voleur pouvait toucher aussi les serviteurs déjà endommagés. Donc c'était vraiment deux. Ça serait tellement cool, tu vois, maintenant de la piocher. Deux dégâts pour zéro. Bah oui, surtout qu'il y a plein après de frais. Parce que tu la pioches toujours après ton éventail de couteaux. Ouais, c'est ça, ouais. Et notamment quand t'as un commissaire sur le board. Le nombre de fois où tu es obligé d'abîmer ton commissaire parce que tu n'as aucune cible intacte. Enfin, voilà quoi. Il y avait dans les autres exemples, la protectrice Sulfurie donnait taunt à tous les serviteurs, pas seulement à ceux adjacents. Donc, comme le marteau de Manon, mais ouais. Ouais, voilà, ouais. Comme le marteau. Il y a dans. Pour revenir sur le voleur, Van Cleef n'était qu'une 1-1, mais il avait camouflage par défaut. C'est fort. Donc globalement, si t'arrives à faire un Van Cleef de ouf, déjà que c'est compliqué actuellement quand il est gros si t'as pas de hard removal en main, mais là pour le coup il était camouflé. Donc il mettait au moins une patate. Ah, il mettait au moins une patate, ouais. Ça c'était clair. Et, en plus ça pouvait être un support au tour d'après du sang-froid ou enfin, voilà quoi. Et sachant qu'à l'époque dissimulé était aussi oui, c'est vrai. En course, quoi. Et je crois que ça coûtait zéro au tout début. Donc, c'était. D'accord. Voilà. Il y a un autre truc aussi, le Drake du Crépuscule, qui était une 1-1, mais qui gagnait +1/+1 par carte en main. Du coup, tu faisais une 12-12 et pas une 4-12, quand t'avais. Enfin, 4-11 plutôt, quand t'avais une full main. Donc, c'était assez violent. Dans les cartes aussi, donc on voit plus trop, parce que là, elle a subi un double nerf, mais son premier nerf. Warsong Commander, c'est quoi? C'est champ de guerre. Officier champ de guerre. Officier ouais. Champ de guerre. Lui, donnait charge à tous les serviteurs sans restriction d'attaque. Mais ça, c'est beaucoup trop n'importe quoi. Voilà, donc ça donnait accès à des OTK complètement pétés, notamment en guerrier, où le mec faisait Alexstrasza. Et ensuite, au tour d'après, il faisait champ de guerre, Molten. Alex sur lui-même et Il les remettait en. Non, mais quelquefois il faisait Alexstrasza sur l'adversaire aussi pour avoir que 16 PV à mettre, tu vois. Ah oui, si lui il était assez bon. Mais ouais, et ça, ouais. Mais le pire c'est qu'en fait t'avais même pas besoin d'Alexstrasza parce qu'en fait ça jouait les pandas. Tu chargeais avec ton Molten, posais le panda, tu remettais le Molten en main et tu pouvais charger avec le panda en plus, quoi. Donc, Ouais, ouais. Donc ouais, c'était n'importe quoi. Parce qu'en plus, oui, parce que le Molten n'avait pas encore été nerf, et que du coup, il était... Oui, le géant de lave pour les francophones. Ouais, ouais. Mais il coûtait donc 20... Il coûtait combien? C'était 20? Il coûtait 20, oui, c'est ça. Il a 20 moins le nombre de PV que t'as perdu. Ouais. Il est à 25. Oui, donc en gros, si t'étais à 10 PV, je crois qu'il était à 0, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, il faut être à 5 PV, donc ça reste compliqué à jouer. Et ouais, donc il y a aussi un truc de ouf, c'est que tous les freezes du mage coûtaient un mana de moins. Alors ça paraît pas hallucinant. Mais imaginez un cône de froid T3, un blizzard T5, une Nova de givre T2. Nova Hospice en T4. Ouais. Nova Hospice au T4. Enfin, c'était extrêmement fort, quoi. Et bon, pour rester. Bon, là, pour le coup, c'est très exhaustif hein, ce que je vous cite. Mais voilà, puis bon. Beaucoup se souviennent aussi de Pyro et contrôle mental, enfin Pyro du mage et contrôle mental du prêtre à 8 mana. Donc ça, pareil, c'était quand même vraiment fort. Et puis voilà, des crafts aussi, des nerfs aussi très emblématiques, celui de Nat Pagel et de Supre Étincelle. Ça, c'était, c'était pareil. C'est les choses qu'on fait mal parce que c'est des cartes qui étaient vraiment dans tous les decks, quoi. Le Buzard est passé 3-2 pour, enfin, 3-2 pour 5 mana au lieu de 2-1 pour 2. Et Leeroy passé de 4 à 5 mana. Et le commissaire, en parallèle, un tout petit peu plus tard, passait de 5 à 6 mana. Donc le voleur miracle était super impacté, clairement. Voilà, c'est ça. Le voleur miracle et le hunt midrange et le huntar. Donc deux decks vraiment, vraiment forts, hein, vraiment meta definer, comme on dit, qui sont touchés bah, dans leur agressivité, puisque les deux jouaient Leeroy. Leeroy Jenkins. Et dans leur mécanique de pioche. Voilà, et ça, c'est, ça a été un coup dur. Mais voilà, mais c'est vrai que ça touchait... Enfin, finalement, le Hunt Midrange était peut-être encore plus problématique que le Huntar. Parce qu'il avait vraiment... voilà, il y avait les savanes dedans et tout. C'était vraiment un deck... moi, j'adorais, hein, franchement. Bah, qui, en plus, s'il pouvait se refaire une main, justement, grâce à genre un Buzard, c'était un joueur. Non, mais dis-toi que ça m'arrivait, en Hunt Mid, de perdre à la fatigue. Ah oui. Parce que non seulement tu jouais ça, mais tu jouais aussi les fusées éclairantes, tu jouais tracking. Ouais. Enfin, pistage. Et du coup, t'arrivais quelquefois à t'essouffler contre les decks et un peu trop contrôle, si t'avais pas eu assez de burst, quoi. Ça arriverait plus maintenant. Non, maintenant. Bah ça, ah, t'as quitté la game 10 tours avant, quoi. C'est ça, ouais. Donc, ouais. Et voilà. Alors, ça, voilà, c'est vraiment un nerf emblématique. Mais il y a. Alors, celui d'après, c'est l'officier champ de guerre. Donc, pour atteindre l'archétype Grim Patron. Donc, pareil, hein, là, l'officier champ de guerre devient une carte totalement useless. Au lieu de donner charge aux serviteurs qui font 3 attaques ou moins. Je crois qu'il leur donne plus 1, un truc comme ça. C'est... Il donne plus une attaque à tous les serviteurs qui ont charge. Ouais, voilà. Donc, la carte, mais vraiment complètement useless. En mousse. Ouais, c'est. Enfin, voilà. Donc là, on arrive plus à la période contemporaine d'Hearthstone. où Blizzard est en train d'installer plus ou moins le système de rotation. Et donc, beaucoup des nerfs qui vont suivre vont comment dire, être faits dans cette perspective. Pour arriver à la première donc, année, comme ils ont appelé, donc c'est l'année du Kraken, c'est ça? Oui. L'année du Kraken, qui a commencé par les dieux très anciens. C'est ça. Et voilà. Et donc, c'est là que nous avons vu le nerf des géants de lave. Et on en parlait plus tôt, celui des cartes tech neutres. Que sont chouettes, chasseurs de gros gibier, voilà, pour forcer les joueurs à jouer leur removal de classe et à ne pas buter des dieux très anciens à coup de double BGH dans chaque deck. c'est moche quand même de voir Toon avec juste une balle entre les deux yeux. T'sais. C'est ça, ouais. Genre, t'as Toon, c'est juste un gros œil en plus. T'as un vieux nain qui se baladait par là. Et... une balle entre l'œil. Donc voilà, donc l'arrivée du mode standard, la rotation, tout ça, ça va vraiment changer complètement le jeu. Et d'ailleurs, on notera aussi à l'époque le nerf du druide, vraiment très violent, avec le nerf de l'ancien du savoir, celui du gardien du bosquet, donc pareil, dans la volonté de nerf les silences, et forcément de force de la nature, hein, qui à la base était un sort qui chargeait, et là qui ne se contente plus que de faire des tokens. Donc ça change, ça calme, enfin, ça casse la carte, hein, faut pas avoir peur des mots. Donc ça, et puis en parallèle aussi, l'explosivité des aggros a été bien calmée aussi avec les nerfs de jongleur qui a perdu un point d'attaque, du golem arcanique qui n'est plus charge et dont l'effet est complètement absurde actuellement, et du gnome lépreux. Ouais, c'est ça. Et qui, du coup, est beaucoup trop faible pour être encore envisagé. Je sais même pas s'il serait joué encore, en fait, le gnome lépreux, même en tant que 2-1. Il y a des chances que non. Non, parce qu'après, il prend... Puis même, il serait géré par une Firefly, ou tu vois... Fin... Les petits chats, ou les connes, oui, voilà. Ouais. Je pense qu'il y a de bien meilleurs T1 actuellement. Finalement, le nerf a pas... Enfin, finalement, a pas eu vraiment d'impact Mais bon, après, ouais, moi, j'étais content quand même que le Gnome Lépreux sorte des listes. Vraiment une carte à la mécanique un peu dégoûtante, quoi. Mais bon, ensuite, bon, voilà, ça c'est vraiment la grosse phase de nerf pré-standard. Mais voilà, et pour le coup, des nerfs vraiment préparés, calculés, etc. Mais ce qu'on va remarquer par la suite, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui vont se faire nerf. Bon, alors c'est arrivé avec le Fossoyeur au moment de Naxx, mais c'est quand même assez rare finalement que des cartes issues d'une extension soient nerf directement. C'est-à-dire qu'en gros, on sort et au bout de 2 mois, on fait ah non, mais la carte est trop forte. Voilà, aveu de faiblesse des développeurs. Ben voilà, enfin, on en discute souvent. On s'étonne que les. Comment dire, que la réactivité des développeurs soit je sais pas soit extrêmement lente quoi. Bah, que même en fait que ça soit pas que ces soucis on va dire soient pas décelés au moment parce qu'ils ont des phases de test qui a Ouais. priori sont après des mois enfin des semaines ou des mois ou des choses comme ça Ouais. que là dans l'idée là au moment où on parle ils sont déjà en train normalement de préparer ils ont déjà peut-être même bouclé leur deuxième extension de l'année c'est C'est ça, possible oui. Ouais. donc ils préparent déjà la troisième quoi donc Non, enfin, clairement. ouais. Après ils Bon. recrutent hein, ils ont A priori, ils recrutent des gens pour faire du design, hein, puisque encore une Ouais. fois, il y avait une annonce qui passait, mais bon, bah, Mais du il y a coup, des choses qu'ils ne voient pas. moi, la question que je me pose, c'est au final, est-ce que leur équipe de bêta-testeurs est suffisamment complète, c'est-à-dire qu'il y a assez de gens, et suffisamment skillés pour vraiment permettre un équilibrage à la base, tu vois, de la création de la carte. Bah, après, c'est pour ça qu'ils avaient pris Nimes. Enfin, après, demain, justement, je dis n'importe quoi, ils voudraient prendre un mec de la scène pro. Ça serait, genre, ils prendraient un Stanisifka dans l'idée, ou un mec de ce type-là, ou un Dog, ou je sais pas quoi. Ouais. Ça serait OP, quoi. Ouais, non, Mais c'est sûr. même si, il serait peut-être tout seul aussi, il pourrait Mais pas non plus tester je toutes pense, les cartes. voilà, c'est ça. C'est que pour le coup, il faut plusieurs joueurs. Enfin, on peut remettre aussi sur le plateau le débat sur faut-il des serveurs test, tu vois, sur Hearthstone. Ah oui, bah c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y en ait pas, parce que du PTR, il y en a sur tous les jeux Blizzard, et effectivement, il n'y en a pas sur. C'est ça, c'est que finalement, voilà, c'est du joueur contre joueur. Y a un équilibrage très fin pour que le jeu soit bon, qui est Ouais, mais nécessaire. un serveur test, ça casserait la magie de la release, quoi. C'est ça. Je sais pas. Mais du coup, est-ce que la magie de la release, comment dire, est plus importante qu'un jeu équilibré avec des cartes Franchement, j'avoue que je saurais pas quoi choisir entre les deux. Voilà. Après, voilà, nous, c'est pas notre job à temps plein non plus, hein, clairement, enfin, de jouer du moins. Ouais, non, c'est sûr. Et je pense que pour les gars qui sont vraiment joueurs pro et qui en plus jouent une classe qu'ils aiment pas, parce que là, c'est la meilleure classe du jeu actuellement, je pense que c'est encore plus chiant, quoi. Et que eux, limite, genre l'ouverture des boosters, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais c'est une journée de bureau comme une autre, donc. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y avait énormément de joueurs enfin, qui on peut se rappeler l'époque Yogg-Saron, de nombreux joueurs que ça insupportait finalement de devoir compter sur la RNG de Yogg-Saron pour gagner un tournoi, enfin, tu vois, Pour pas le perdre. Non. ou pour pas le perdre, enfin, dans le sens où tu étais obligé de le mettre. Bah, dès que tu avais une liste un tant soit peu contrôle, enfin, voire limite même mid un peu contrôle, tu mettais Yob, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est voilà, Après, donc là maintenant, là, il est quand même moins fou, Yob. Franchement. tous les prêtres enfin tous les gens obligés de jouer Raza Priest et de compter sur la bonne volonté du deck de te sortir Raza, Anduin et Velen dans l'ordre, enfin tu vois. Oui, mais bon. Après, ça reste quand même plus contrôlable que Yob, quoi. Enfin. Oui, c'est sûr. C'est Parce sûr, mais que tu as de la Yogg, t'avais le pioche, choix. parce Non, que mais tu as. Yogg, t'avais le choix aussi de ne pas le jouer quand tu l'avais en main. Ah Tu vois, Yogg, oui, en fait, c'était, mais tu le il portait jouais bien son en nom, tu vois. bouton. Le dernier espoir, tu vois. Tu le joues vraiment quand Oui, c'est un bouton d'urgence, quoi, en c'est gros. ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que je pense que ce qui énervait les joueurs, c'était surtout comment dire, l'espèce de Deus ex machina qui fait que t'avais perdu la game. tu poses Yogg, et bah finalement tu la gagnes. Ah bah voilà. Oui, le coin flip complet. C'est ça, ouais. Et moi le premier, hein, je disais, ouais, Yogg, trop marrante cette carte, mais j'avais tweeté, je sais plus à qui, un podcaster justement, et je lui disais, oui, non, mais ce sera jamais joué en compétitif. Ouais, bon, c'était sans compter Tars. Et ensuite, tout ce qui a suivi. Mais voilà, Yogg Saron, ouais, c'est typiquement l'exemple de la carte qui a été sous-estimée par les développeurs, dont on n'a pas du tout imaginé à quel point elle pouvait finalement casser le jeu. Hein. Après, pour reprendre aussi, c'est un exemple courant, mais le fléau ultime, c'est le truc. C'est la carte ultime du jeu, clairement. D'ailleurs, c'est même étonnant que le druide soit pas très joué en ce moment. Il a limite la meilleure carte. Oui, il a la meilleure carte du jeu. Après, le reste. Ouais, du deck, En fait, une meilleure carte du jeu qui tombe T10 globalement. Oui, voilà. Bon, même si pour le druide, le T10 souvent c'est souvent T6. Ouais. Mais pour le coup, c'est moins compliqué qu'un vert qui arrive T3, tu vois. 5 en attaque, ce truc est énorme. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça frustre parce que malgré tout, en tournoi, il y a quand même souvent. C'est rarement une line-up super aggro qui va gagner un tournoi, clairement. Et donc, c'était souvent à. Il y a eu des mirrors de druid jade dans tous les sens, hein, clairement. Et c'était au premier qui chopait son fléau, qui le chopait, qui faisait pas d'overdraw. Ah oui, non, mais ça, par contre, c'est clair que actuellement, le fléau est une win condition. Si tu le draws pas à la moitié de ton paquet, on l'a vu. Hein. Enfin, à chaque fois, c'est. Tu t'épuises. Ça allait autant que Raza Anduin, c'était une condition pour le prêtre Razakus, sauf que là, c'était une combinaison de deux cartes, alors que là, c'est juste une seule carte. Quoi. Donc, c'est moins grave. Et puis bon, après, c'est pas comme si le druide avait aucune possibilité de piocher. Le druide garde quand même nourrir. Certains ont gardé quand même les colères aussi. Même les embranchements, tu peux draw avec. Pour le coup. Mais c'est vrai que oui, quand on voit des joueurs qui draw avec toutes ces cartes pour essayer de choper justement le fléau et que le fléau n'arrive pas, tu vois, le désespoir sur leur visage. Mais bon, ouais, c'est bien que la carte, quand même, il y a un problème, quoi. Elle devrait pas être aussi cruciale, quoi. La nature se dressera contre vous. Mais d'ailleurs, oui, les derniers nerfs, donc, qui sont maintenant, il y a 10 jours, c'était. Autant bonne mer, donc, pas le froid. Déjà, il est plus ou moins jouable encore, et puis il va rester encore un an et des brouettes. Oui, un an. Ouais. Ah ouais. Autant Neneuil et Raza, par contre. Oui, alors là, on disait qu'il y avait une réactivité qui laissait à désirer. Là, c'est trop tard presque. Enfin, le mal est fait. Neneuil, son heure de gloire, même s'il a toujours été très joué, c'était Gadgetzan qui était. C'était quoi la jade, les dessoudeurs. Et la cabale qui s'affrontait, mais au final, c'est les pirates qui s'étaient accaparés la méta. Torl qui avait vu juste. c'est presque ça. Mais au final, s'il y avait eu un truc à faire contre Patches, ils ont nerf le boucanier. D'ailleurs, on parlait des nerfs très, très tôt après la sortie d'une carte. Le boucanier a été nerf quelques mois après sa sortie. Hein. Ouais. En fait, le truc, c'est que Patches, tu pouvais effectivement pas le nerfer sans le tuer. Enfin, je vois pas ce que tu pouvais faire pour. Ou alors qu'il retourne dans le deck et qu'il est plus charge. Enfin, j'en sais rien. Après avoir attaqué, tu vois, une connerie comme ça. Mais effectivement, tu pouvais rien faire. En fait, c'est soit tu tuer la carte comme ils l'ont fait là. Mais effectivement, il fallait le faire un an avant. Quoi. Ouais, non, c'est beaucoup trop tard. Raza, pareil. Enfin. Pour le coup, ils auraient dû le nerf en amenant Anduin. Oui, ouais. Ça aurait évité, en fait, que l'archétype Highlander Raza Anduin soit créé, quoi. Je dois trouver un moyen de neutraliser cette chose. Et oui, alors, on parlait du boucanier à l'époque, il y avait aussi la griffe spectrale du shaman. Donc là, vraiment, à l'époque, Shaman Stone. Ouais. où la griffe coûtait 1 et pouvait gérer quasiment tous les T2, les T3 du jeu pour peu que tu aies un spell power, quoi. Mmh. Ah bah. Donc complètement, complètement insane. Ça amenait même les gens à mettre des cartes spell power dans leur deck, quoi. Ouais, bah moi je me souviens que je jouais Thanos. Tu jouais au moins Thanos, ouais, mais il y en a certains qui rajoutaient même des kobolds. Hein. Ouais. Et ça s'envisageait, effectivement. Bah après. Oui, bah faire 9 points de dégâts potentiellement avec 1 de mana. Bah même avec 2 de mana, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, non, mais c'était. Avec 2 mana, c'est encore fort. C'était beaucoup trop fort. Et surtout que c'était un deck qui, à l'époque, avait encore le Trog, le Totem Golem. Le Roar totémique qui a été nerf aussi, hein, puisqu'il pouvait invoquer des totems de base. Enfin, il n'invoquait pas seulement des totems de base, mais pouvait aussi invoquer. Golem totem et totem vague de mana ou totem langue de feu. Enfin, c'était complètement, complètement broken. Donc, ça, voilà, c'est. Mais pareil, le Roar totémique a été nerf très tard, très peu de temps avant sa sortie en fait du format. Ah, bah, on a bouffé du. Shaman mid. Parce que finalement, avant toutes ces cartes, l'ajout de toutes ces cartes, c'est quoi? C'est Karazhan. Oui. Finalement, Loroart était assez marginal. Finalement, il était. Enfin, les joueurs l'aimaient pas à l'époque. Il était. Oui, parce qu'après 3 PV pour 2 PV pour un tour 3, peut-être, je sais pas. Si c'est ça, là. Ouais. Mais c'était bizarre, en fait, qu'il se base pas juste sur la RNG potentielle, en fait, le high roll. Parce que tu vois, globalement, maintenant, on joue beaucoup sur le high roll. Oui, oui. Enfin, en gros. Oui, ça peut te faire gagner une game, et au pire, c'est ça peut te faire perdre. Tu vois, c'est comme les chances d'avoir KL7 en main de départ, enfin, en curve. Finalement, tu as besoin de high roll. Les decks où quand tu joues Barnes en Big Priest ou en Spell Hunter, tu joues deux cartes qui peuvent être des cartes mortes juste parce qu'elles ont le potentiel de te faire win la game. Je pense que vous allez mourir maintenant. Dernier nerf, peut-être, qu'on peut évoquer, c'est celui de la plaie envahissante dans les cartes qui ont été assez nerf assez vite, finalement, après leur... Le coup, celui-là, je trouve qu'il sert tellement à rien, quoi. Oui, bah, oui, oui, non, mais évidemment que c'est pas un nerf qui est satisfaisant en soi. Après, bon, je pense que les agros doivent apprécier de pouvoir attendre le tour 6. Ouais. Pour se prendre plaisir. En fait, c'est même presque traître dans le sens où. Tour 6, en fait, toi, tu t'es dit, machinalement, t'as ajouté peut-être une créa pour mettre plus de pression. Et donc, l'autre va encore te rajouter du coup un scarabée. Enfin, c'est con, mais ça peut être vu presque du point de vue négatif, quoi. Ouais. Il va retarder son truc et du coup, tu te fais encore plus. C'est sûr, mais tu vois, au final, faut pas oublier qu'ils ont nerf la plaie envahissante en parallèle de l'innervation. Et que je pense que c'est pour cette raison. Que pour garder le design de la carte qui jugeait intéressante au niveau défensif, faut pas oublier que le druide n'a pas de hard removal d'AOE vraiment digne de ce nom. Le mieux que tu puisses faire, c'est 2 dégâts à tout le board pour 5, je veux dire, avec Météor, mais qui n'est pas joué, hein, ou le swipe. Enfin, tu vois, finalement, t'as des removals mono cible maintenant avec les jaspes. Ouais. Mais voilà, avant, tu utilisais... comment s'appelait ce removal là qui coûte 3 en druide Sharpie. Ouais, Sharpie. Tu utilisais Sharpie. Si t'avais pas peur de faire piocher l'adversaire, acclimatation. Le truc, c'est que effectivement quand t'es face à du druide, en gros, si t'as un board de nouveaux murlocs, donc plus ceux qui sont buffés en PV, mais le board de murlocs de maintenant... Ouais. Bah, t'es un peu emmerdé quand même, quoi, parce que t'as beaucoup de trucs à 1 ou 2 PV. C'est compliqué. Et du coup, t'as tapé une fois dans les plaies, enfin dans les scarabées, du c'est coup, ça, tu passes à 1 PV, tu prends balayage et terminé, quoi. C'est ça, les plaies permettent de setup les removals un peu dégueulasses du druide, quoi. Enfin, pour le coup. Donc, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce design. Moi, il me dérange pas trop. Ça me dérange moins qu'un Void Lord, un Void Lord qui se fait cuber, tu vois. Oui. Oui. Enfin, là tu vois, là, c'est quasiment une plaie envahissante qui sort d'une 3-9 qui elle-même va être ouais enfin va être clonée enfin non mais ne parlons pas du Demonis Cube. Amusons-nous un peu. Qui d'ailleurs pareil enfin on peut s'étonner qu'il n'ait pas été nerf. On s'étonnait du fléau qui reste indemne mais c'est étrange en fait qu'il n'y ait pas eu quelque chose de fait pour le cube. Bah là c'est pareil oui voilà oui il pouvait direct nerf le cube mais même là y réfléchir le comment. J'avoue, je sais pas. C'est pareil, où tu casses la carte, en fait, ou... Ouais. Ou alors, justement, t'en absorbais un et t'en ressortais que un, mais ça, en fait, ça faisait juste un effet de soin dans l'idée. Ça pouvait aussi envisager, peut-être. Je sais pas, mais... Je pense que c'est pas vraiment... Et que ça activait son râle d'agonie, que ça le faisait soigner, en fait. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est pas vraiment le cube, le problème, qui reste une carte tech assez lente. Bah, c'est plus le fait de pouvoir la sacrifier pour 1 et en récupérant 8 mana. Et aussi, je parle du Void Lord, mais de pouvoir dupliquer des créatures charges comme le Garde Funeste. Ça paraît. Comment dire. Ça paraît trop fort, enfin, pour le coup. Ah oui, non, mais clairement, bah, c'est pas moi qui dois convaincre. Ça, c'est clair. Mais oui, bah, c'est quand on a vu encore un screen sur le Discord l'autre jour où tu as un de nos collègues qui avait 4 Void Lords, je crois, ou peut-être même 5, au tour 6, avec son démo cube. 4 Void Lords intacts, personne ne peut battre ça. Quoi. Donc, non, c'est horrible. Enfin, ça, ou même les armées de géants des montagnes. C'est assez vrai. Il y a trop de synergie dans le deck pour que ça soit vraiment contrable, à part en blindant de cartes tech. Mais ouais. Tu perds tellement contre d'autres match-ups qu'au final, c'est compliqué de viser c'est celui-là. Sûr. Mais voilà, et donc conclusion, parce que je pense qu'on va fermer le sujet. Hein. On a quand même pas mal développé. Ouais. Rappeler qu'il y a des nerfs quelquefois qui paraissent assez incompréhensibles. Mais par exemple, je sais pas, la hache du guerrier qui passe à 3, le maléfice qui passe à 4, mais qui finalement sont comment dire, sont s'inscrivent dans un projet un peu plus long au niveau des cartes créées pour les nouvelles extensions. Oui, c'est pour se laisser du space design comme ils disent. Voilà, c'est ça. Ouais, design c'est, space, pardon. Parfois, on ne comprend vraiment. Qu'après quoi, et voilà pour finir sur les nerfs récents, ils sont globalement assez équilibrés, sans doute trop tardifs. Peut-être que le vert c'est un peu trop violent comme nerf pour moi. Voilà quoi, c'est oui, ils rendent la carte fort avant. Oui, non, mais en fait, c'est toujours le problème. C'est tu vois, les nerfs. À la tronçonneuse plutôt qu'au ciseau à bois, tu vois. Enfin, au final, est-ce que c'était nécessaire de détruire une carte à ce point, quoi? Bah, la preuve, j'ai envie de dire la preuve que oui, puisque là, tu vois un peu plus de diversité, mine de rien, dans les cartes qui sont jouées, quoi. Donc, peut-être. En fait, c'est surtout qu'il n'y a pas nécessité de la créer comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Monter aux origines du truc. Quoi. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, sur 135 cartes nouvelles qui sortent avec. Alors, je sais pas combien il y en a maintenant dans le pool. J'ai envie de dire, même sans parler du livre, mais les classiques plus les 3 extensions ou 4 extensions d'avant, ça en fait un sacré wagon. Genre, on va dire 1000 cartes, un truc du genre. Enfin, ouais. C'est quasi impossible en fait, de tout prévoir. Quoi. Les interactions et tout, c'est pas. Même effectivement, avec des semaines de tests et tout, j'ai un doute que ça soit vraiment. Tu puisses faire zéro erreur, mais... Non, évidemment. Et y remédier plus vite, quoi. Pour le coup, moi, mon discours n'est pas de stigmatiser les développeurs ou les game designers en disant que c'est des grosses merdes et tout. C'est pas du tout mon propos, quoi. C'est vraiment de dire que peut-être qu'ils pourraient se donner les moyens d'avoir un pool de tests, de testeurs plus large, plus skillé, tu vois, plus impliqué dans le jeu que les gens vraiment internes, quoi. Parce que, en gros, quand tu les entends, on a l'impression que les alpha tests ou les bêta tests, Ils font ça avec genre les potes, la famille, tu vois. En plus de. Avec les gars qui sont au bureau tout le temps. Et c'est puis, ça, ouais. Ils sont blasés du truc, enfin blasés. Mais c'est que, voilà, mais pour le coup, il n'y a aucun mec dans le lot qui joue 10 heures par jour, comme la plupart des hardcore gamers Hearthstone le font, oui, quoi. Enfin, ouais, les grinders. Ouais, enfin, voilà, quoi. Mm. Honnêtement, tu mets des mecs comme Sixo, Tyler ou Silvername. Aux commandes du design, ben voilà, les mecs, ils vont très vite te dire ce qui marche, ce qui marche pas et ce qui doit être changé, quoi. Mmh. Oui, non, mais il y a moyen. Mais ouais, après, c'est une politique de recrutement qui est totalement différente et tout ça, mais c'est sûrement pertinent. Hein. Ouais, c'est probable. Moi, j'avais envie de parler un petit peu parce que, alors, il y a des gens que ça intéresse, d'autres que ça intéresse moins, mais de la partie e-sport, puisque oui, Hearthstone, c'est l'e-sport, malgré les railleries qu'on peut voir. C'était alors une actualité super chaude, qui maintenant date de 3 jours, mais c'était pour reparler de. Donc, déjà, ouais, des classements par équipe qu'a opéré Blizzard pour la saison à venir, enfin, les saisons à venir, donc ça sera à partir de avril, si je ne me plante pas. Là, les 3 premiers mois sont des mois de test pour eux. Et donc, dans ce cadre-là, pour avoir les meilleurs classements HCT, Tempo Storm en particulier, donc qui est une énorme structure, même pour tous les autres jeux, on va dire, e-sport, a recruté Amnesiac et Shaki, juste après avoir recruté Muzzy il y a, je ne sais plus maintenant, 2 mois, enfin, juste après la finale des Trinity Series. C'est la Dream Team, quoi, le truc. Bah ouais, voilà, ça, et en backup, non c'est pas en backup, c'est qu'en troisième joueur ils ont Just Saiyan qui avait complètement carry parce qu'il était avec Héloïse et Trump je crois quand ils avaient fait les Trinity Series, ouais. Mais clairement Héloïse et Trump c'est vraiment, enfin sans leur manquer de respect, c'est vraiment plus des streamers que des joueurs oui dans le sens ouais, dans le sens avec des visées pro Ouais, voilà. Trump l'a été sûrement à un moment, mais maintenant il l'est plus vraiment. Oui, non, je plus pense. Tout, c'est plutôt le théoricien du truc, mais c'est ça, ouais. Il met jamais trop les mains dans la gadoue. Voilà, ils font des petites paires de temps en temps, chacun de leur côté. Ils restent toujours solides dans la ladder et tout, mais c'est ça. Mais après, moi, enfin, j'aime, comme on en avait déjà parlé un peu, j'ai une tendresse pour Tempo Storm, même s'ils se font tout le temps. Ils se font tout le temps insulter tout ça de partout parce que j'aime, voilà, parce que leurs tier list sont complètement absurdes aussi aussi déjà mais non c'est que j'aime après, Renade, en fait c'est un perso que j'aime beaucoup. On peut nous mettre la même chose sur Millennium, hein. Après ça reste toujours très subjectif la manière de faire les tier list. Vous allez avoir des problèmes. Oui voilà, et moi c'est surtout que j'adore Amnesiac qui est un perso j'adore ce mot qui est clivant. Mais, j'adore son côté bon joueur, absolument pas salé. Non, mais en fait, tout comme j'aime bien regarder Renade, en fait, ouais. Amnesiac, en fait, j'aime bien les gens qui ont confiance en eux. Les gens entiers, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que le mec, il assume, il se dit, tout comme Kallax, un peu en France, je comparerais, ouais, c'est un peu le même style dans l'idée. Ouais. C'est que le mec, il sait qu'il est bon, qu'il a du potentiel et tout ça, même si au moment T, il a pas nécessairement des perfs de dingue. Mais il sait, et puis il faut avoir de la confiance, enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours, il faut avoir de la confiance en soi, et des fois ça peut être perçu comme c'est qui ce jeune con et tout ça, ouais. Mais moi c'est un personnage que j'adore, et puis quand il perd, il est encore plus salé, et ça le force en plus à retryhard encore plus derrière, et c'est un gars qui lâche rien, et ça j'aime en fait. Après c'est très personnel, il y a des gens qui supportent pas ça. Mais et donc Shaki sera le coach de cette team là, donc ouais, ça promet vraiment du très très lourd, quoi, clairement. Effectivement, ouais. En ladder, Muzzy, Amnesiac, Saiyan, il est un peu plus discret. Pas enfin, Just Saiyan. Ouais, mais ça reste quelqu'un aussi qui fait des top 100 très régulièrement et tout, hein, Just Saiyan. Ah. Bah donc ouais, et puis là la team là sur le classement par équipe plus les Trinity Series ou ce genre de truc, ça va être Ça va être violent. Hein. Enfin, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, clairement. C'est des mecs, même Meusy, après, c'est pas du tout le même caractère. Il est plutôt discret et tout, mais ça, j'ai l'impression que c'est un bon mec, quoi. A priori. Ouais. Et ça, ouais, non, il n'y a pas de faiblesse, en fait, j'ai l'impression, dans cette team-là. Mais, et d'ailleurs, pour reparler un petit peu du calendrier et tout ça, donc là, l'année va être hyper chargée parce que là, donc, il y a 24 tours stop. Donc là, il y a eu la première semaine dernière. Là, il y a le deuxième en cours, la Copa América, là. Ouais. Et donc, il y en a encore 22 derrière. Et il y aura les trois play-offs plus les Worlds, donc normalement en janvier prochain. Et il va falloir caser aussi les HGG, il va falloir caser les Trinity Series. Ça suffit quand même, c'est déjà pas mal. et du coup, en fait, je me demande comment est-ce qu'ils vont se débrouiller pour leur sortie d'extension. Est-ce que ça va être. Est-ce qu'ils vont décaler aussi par rapport aux Worlds et tout ça? Enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense pas. Je pense que finalement, le calendrier e-sport et le calendrier extension sont pas du tout les mêmes, ont pas du tout les mêmes objectifs, quoi. Le calendrier extension, pour le coup, c'est ce qui vend, tu vois. Enfin, leur but, c'est que les joueurs ne partent pas. Donc, ou reviennent, ouais. Voilà, et je pense que pour eux, les compétiteurs s'adapteront aux sorties d'extension et c'est pas l'inverse, quoi. Oui, oui. Après, c'est vrai que ça serait plus. Ça serait normal aussi. Dans le... On en discutait. Moi, au final, je pense que c'est plus intéressant pour eux, même au niveau l'attractivité de ces tournois, que, genre, surtout les gros tournois. Se passe, les prélims ou des trucs comme ça, quoi, se passe avec un nouveau contenu et pas avec une méta mourante qui voit tourner les mêmes decks depuis un an. Non, là-dessus, on est totalement d'accord. Et puis, oui, enfin voilà, après, il faut trouver un juste milieu, ne pas leur laisser une semaine, mais ne pas non plus qu'ils aient rien eu le temps de tester et que ça soit des trucs YOLO dans tous les sens, mais ne pas effectivement le mettre en toute fin d'extension, quoi. Un truc du genre que ça sorte. Genre trois semaines avant ou ouais, un truc du style là, je pense. Oui, parce qu'on voit déjà ça a été problématique pour certains joueurs là en Allemagne de se confronter directement à un tournoi en ayant une méta nerfée dont ils n'avaient pas encore vraiment suffisamment de statistiques, suffisamment de recul pour élaborer leur line-up. Et donc effectivement, c'est problématique, mais au final, tout le monde sera dans le même cas. Tout le monde est sur un pied d'égalité, tu vois. Enfin, oui, bien sûr. Peut-être aussi, c'est intéressant aussi de voir quels sont les joueurs les plus inventifs, quels sont ceux qui sont capables de s'adapter aussi vite. Ça fait partie pour moi autant des qualités requises, tu vois, du joueur. Enfin, oui, normalement, savoir s'adapter, c'est aussi faire montre d'intelligence, en théorie. Voilà, et puis les mecs ne sont pas seuls, tu vois. Ils ont des mates avec lesquels s'entraîner. Ils échangent, tu vois. Enfin, ils ne sont pas complètement abandonnés. Donc, je te dis, donc, honnêtement, pour moi, je ne pense pas que... Je pense pas vraiment qu'il y ait d'intérêt pour Blizzard de se préoccuper des sorties... Des dates des tournois pour caser leur sortie à un moment propice. Ben voilà, ils vont éviter de le faire le jour d'un tournoi, par exemple, ça c'est évident, mais peut-être pas éviter de le faire la semaine d'avant. Et encore, ils en sont capables, hein, tu vois. Oui, ils sont capables. Ça. Après, bon, j'ose espérer qu'il y a quand même un minimum de communication. Ça a l'air, en tout cas, hein, entre l'équipe de design et l'équipe e-sport. Ouais. Mais sinon, après, juste pour revenir un tout petit peu là-dessus, c'est que j'ai trouvé le fait de d'espacer la BlizzCon et les championnats du monde, donc les mettre à 2 mois d'écart quasiment, c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement de... Puisqu'à la BlizzCon, il y avait les phases finales d'Overwatch, et il y avait les phases finales d'Arena aussi de WoW. ça aurait fait vraiment trop. C'est vrai que c'est lourd, hein. C'est chargé. Quoi. Ouais, après, bon, après, il y a quand même un côté assez prestigieux, quoi, de te dire, ouais, je fais ma finale à la BlizzCon, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même une ambiance. C'est quelque... Moi, pour le coup, ça, je regrette un peu. Oui, pour le côté-là, effectivement. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'à suivre, en fait, tu peux pas suivre tout, quoi. Donc, je pense que alors ils vont remettre à la BlizzCon et ils mettront que deux jeux à l'honneur au moment-là. Enfin, deux phases finales de jeux, en fait. Oui, c'est possible. Possible aussi, effectivement. C'est possible, ouais. Mais oui, ça fait plus classe de dire j'ai gagné mon titre à la BlizzCon que j'ai gagné mon titre à Moscou, je sais pas quoi. On est d'accord. Ouais. Bon, après, ils s'arrangent quand même pour trouver des endroits excellents. Enfin. Ah oui, là, Amsterdam, c'était magnifique. Hein, oui, tu y étais, toi, en plus. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'était... L'endroit était vraiment cool. Après, effectivement, ça brasse moins de monde fatalement que à Los Angeles, quoi. Où le truc est immense et tout ça. Mais ouais, à voir ce qu'ils vont faire cette année. Mais en tout cas, 2018 niveau e-sport et compète, ça a l'air de vraiment. Ça va démarrer. Il va y avoir de quoi faire, quoi, clairement. L'air de la compète dans tous les sens. Ouais. Pour ceux qui aiment ça, franchement, il y a de quoi faire. Moi, si tu veux savoir les decks qu'il faut jouer, tu regardes un ou deux tournois, t'es bien, quoi, normalement. C'est sûr. Mais moi, je pense que je vais quand même vraiment me concentrer juste sur les events majeurs. Parce que, tu peux pas passer ta vie à mater des tournois, quoi. C'est tellement lent. Ah, mais il faut bien faire le suivi sur le site. Ah ouais, mais ça, je le laisse à ceux qui... à suffisamment masochistes, en fait, pour le faire. Bienvenue au grand tournoi, champion. Bon, et sinon, Jay, t'as joué à Slay the Spire ? Non, pas du tout. T'as pas joué à Slay the Spire ? Non, moi j'ai été missionné sur Lord of the Rings. Du coup, j'en parlerai. Lord of the Rings, un jeu de cartes, Seigneur des Anneaux. Ouais, il s'appelle Lord of the Rings Living Card Game. Ça ne s'invente pas. Des cartes vivantes, quoi. Des cartes vivantes. Amazing. C'est l'idée. Je suis anglophone, hein, comme tu peux le voir. Et donc Slay the Spire, mais il faut absolument que tu joues à ce jeu. Hein, c'est une tuerie. Tu vas perdre la moitié de ta vie, mais. Oui, il en reste déjà plus beaucoup. Mais ça vaut le coup. Hein. Moi. J'en fais des cadeaux d'anniversaire à mes amis. J'en fais la promotion. Ouais. Du coup. Je ne suis pas un de tes amis puisque tu ne me l'as pas offert. C'était pas ton anniversaire. C'est pas fou. En même temps. Hein. Mais Slay the Spire, moi j'adore. Franchement, ça m'a redonné un peu le. Alors au début, ça m'a fait vraiment penser au Dungeon Run dans Hearthstone. En gros, t'as une suite de boss à affronter. Et au fil du parcours, tu vas avoir le choix entre de nouvelles cartes qui vont être des loot, comme dans les Dungeon Run. Là, il y a un truc en particulier en plus, c'est des reliques, qui sont des sortes d'aura qui vont avoir des actions spécifiques sur les cartes que tu pioches, la force que tu as, les armures que tu gagnes. Comme les trésors que tu as sur le Dungeon Run, en fait. C'est ça, ouais. Finalement, oui, c'est... oui, exactement, ouais. C'est vrai. D'accord. Et donc voilà, alors la différence des Dungeon Run, c'est que chaque run finalement dans Hearthstone est complètement indépendant, ne t'apporte rien de plus. Là, en fait, l'ensemble des reliques et des cartes n'est pas disponible dès le début, quoi. Mais par contre, comme dans Hearthstone, tu commences avec un deck de base de 10 cartes que tu vas améliorer à chaque boss tué. Tu vas pouvoir... choisir une carte entre trois, enfin un draft en fait, hein, tout bêtement. Et donc ton paquet va se compléter au fil du run. Pour le coup, c'est exactement pareil. Mais voilà, à la fin du run, on fait le compte de tout ce que tu as tué. Tu gagnes des points, des points d'expérience. Et une fois que tu as rempli une barre, tu débloques des nouvelles cartes, des nouvelles reliques qui vont être disponibles pour les runs suivants. Ah, tu débloques du potentiel, donc. Voilà, tu débloques du potentiel. En fait, en gros, tu n'as jamais les cartes. Tu vas jamais pouvoir, dès le début, créer un deck. C'est juste que ce qui va être proposé dans les drafts va évoluer au fil des cartes que tu auras débloquées. C'est incroyable. D'accord. Et du coup, c'est très addictif. Il y a une rejouabilité assez folle, surtout que les comme dans Hearthstone, comme dans les Dungeon Run, les boss sont jamais allés au même endroit au même moment. Là, tu as un système de cartes pour chaque run, une carte aussi qui change à chaque tour, enfin à chaque run. Mmh. Où en fait, c'est un système de salles. Donc tu as des salles où qui sont clairement identifiées comme contenant un boss, on va dire normal quoi. D'autres qui contiennent des boss élites, donc qui sont bien plus hardcore, mais qui ont des récompenses en conséquence. Tu as des commerçants avec lesquels tu vas pouvoir, parce que tu gagnes de l'or aussi dans le jeu, donc tu vas pouvoir acheter des cartes, en désenchanter certaines pour t'en débarrasser, et des potions, etc. quoi. Et tu as des salles un peu mystérieuses, où soit il va y avoir des events avec un peu de RP, enfin très léger, hein. Tu vas faire des choix qui vont t'apporter des atouts ou des handicaps, enfin ça dépend. Et puis voilà, puis à chaque fin de, alors c'est par étage, chaque fin d'étage, enfin au sommet en fait de chaque map, t'as un gros boss. Et voilà, si tu le tues, tu passes à l'acte suivant. Voilà. Et t'en as combien des actes en fait ? Alors actuellement il y a 3 actes. Il y a 3 actes. Dois, en fait pour gagner pour finir le jeu, là tout de suite, actuellement, ça, ouais. Tu dois faire les trois d'une traite, ouais, c'est ouais. ça Exactement. Et tu régènes de la vie à un moment ? Tu régènes de la vie entre les actes et selon... alors t'as des... Oui, complètement. Ouais. Ça te remet full life. Et ensuite, tu as des cartes qui soignent, éventuellement. Des reliques. Tu peux te reposer aussi, des fois, non ? Oui, t'as des feux de camp qui te permettent... plusieurs actions, donc régénérer 25% de ta vie si besoin, mais ça peut être aussi améliorer une carte. Tu as une sorte de forge qui te permet d'améliorer une carte une fois. D'accord. Voilà, c'est des petits trucs qui rendent le run sympa, quoi, qui te permettent d'avoir des objectifs, parce que du coup, comme tu vois sur la carte les chemins possibles en fait, que tu peux emprunter pour atteindre le boss final, tu vas te dire, bon, là, ce chemin-là, il est pas mal, il y a un commerçant, j'aurais accumulé assez d'argent, je pourrais me reposer un peu plus haut, etc. quoi. Enfin, du coup, tu planifies plus ou moins ta run en fonction de tes ressources de PV, de tes ressources en argent, enfin en or, et de la puissance de ton deck. Si tu vois que tu as un deck hyper puissant et de très bonnes reliques, tu vas avoir moins de... comment dire, moins de scrupules à te confronter aux élites, tu vois. Mais du coup, une fois que tu as fait, même si tu n'as pas fini les boss finaux et tout ça, quand tu meurs, tu auras quand même gagné donc de l'expérience, tu auras forgé des cartes. Tout ça. Ouais, ouais. Donc au final, à un moment, tu dis n'importe quoi, après 100 heures de jeu, ton perso sera au max de ses capacités alors, non ? Bah, ton perso, en fait, il est réinitialisé à chaque mort. Hein. Ah, d'accord. Okay. Ah ouais, en fait, tu recommences le jeu... avec un deck de base et tout, et des cartes remises à zéro. C'est, en fait, toute l'XP que tu as accumulée, elle sert juste pour. Elle sert juste. Jusqu'à ce que tu meurs, quoi. Voilà, juste pour débloquer à la fin quand tu meurs. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que deux classes disponibles. Donc une sorte de guerrier et une sorte de. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, mais c'est plus un personnage qui va poser des dots, enfin des dommages sur la durée, qui va. Piocher plus, enfin un personnage un peu plus tricky en fait, D'accord. que je préfère hein. D'ailleurs moi c'est vraiment, je préfère vraiment la deuxième classe, d'autres classes sont prévues mais pour l'instant elles sont pas disponibles, et il faut savoir aussi qu'à l'acte 3 en fait quand tu gagnes, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui devrait se passer après, c'est assez, je vais pas spoil non plus quoi, mais c'est assez perturbant au début, tu dis mais j'ai vraiment gagné. Enfin voilà quoi. Mais bon, je vais pas en dire plus. Mais et toi, t'as déjà réussi à faire les trois dans la suite, par exemple ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, j'ai. Et t'as plusieurs niveaux de difficulté, genre. Oui. Alors, en fait, une fois que t'as fini, que t'as réussi à tuer les différents boss, sachant qu'ils sont des différents boss finaux, hein, sachant qu'ils sont aléatoires, au final, il faut plusieurs runs réussis pour avoir affronté tous les boss finaux. Et une fois que tu les as tous tués, tu as un mode qui s'appelle le mode ascension que tu peux cocher. Et ce mode qui marche par palier aussi, ascension 1, ascension 2, que tu débloques à chaque fois une fois que tu le réussis, va te permettre d'avoir des maps avec plus d'élite, qui est des maps un peu plus compliquées en fait. D'accord. Là, c'est vraiment pour les gros tryhards. Oui, voilà, bah, c'est juste si tu veux continuer à jouer en ayant un peu plus de challenge quand tu maîtrises vraiment bien le jeu. Ouais, ouais. Ça te permet voilà, de pas rouler sur le jeu. D'accord. Mais, okay. Mais voilà quoi. Donc voilà, je vous invite à le tester, honnêtement. C'est quoi? C'est 15 ou 16 euros sur Steam. Et bah, ça vaut le coup hein, quand on voit. Donc là, c'est l'early access toujours? C'est toujours l'early access, ouais, pour le coup. Mais les développeurs sont très, comment dire, très réactifs sur les rééquilibrages, sur le contenu et tout. Je pense que, puis en plus, vu l'engouement, je pense que ça va vraiment les motiver à enrichir le jeu progressivement. Et, c'est vrai qu'après, il voilà, y a quoi. Pas mal de streamers Hearthstone qui en font là actuellement, bah, parce que c'est aussi une période creuse un peu pour Hearthstone. Mais oui, moi ouais, j'ai vu que quelques streams, ça a l'air effectivement sympa, mais de là à me dire je vais y passer, enfin j'en sais rien, après je l'achèterai, je verrai bien. Mais... Ah, parce qu'au final, il faut se dire que ouais, j'ai joué 50 heures et ça m'a même pas coûté le prix du bundle d'Hearthstone, quoi. Non, mais tu vois, il y a des moments où il faut remettre. Ah bah, et puis même, pour une comparaison, quand tu achètes un jeu sur console et que tu le payes 70 euros. Et que tu as 10 heures de campagne solo, bon. Bah ouais, c'est pareil. Bon, après, tu l'achètes pour du multijoueur, mais c'est. Mais ouais, bon, pourquoi. Et, donc, et par contre, les différents persos, ça sera des DLC à acheter, tu penses, ou est-ce... Je pense pas, non. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont rajouter, ils vont rajouter du contenu, et peut-être, si le jeu vraiment continue à bien marcher, peut-être qu'il y aura des extensions payantes, mais il n'y a rien de bien sûr. Pour le coup, ils ont pas l'air d'avoir un. Comment dire, un système économique greedy à la Hearthstone, tu vois. Enfin, là, pour le coup, ils sont pas en train d'essayer de te racketter. Hein. Ça le deviendra peut-être quand ça sera une plus grosse boîte. Je pense pas. C'était par qui, en fait? C'est Megacrit. C'est un studio de Seattle, un studio indé. Ouais, c'est. Non, franchement. Là, pour l'instant, ils ont réussi leur coup, clairement. Ouais. Non, puis leur succès est mérité, hein. Franchement, c'est bien. C'était génial! Bon, et toi alors, c'est quoi cette histoire de Lord of the Ring, le jeu de cartes? Ben écoute, on a eu on a un distributeur français donc, qui s'appelle Asmodée, qui nous a proposé en fait lundi d'avoir une démonstration sur Skype en partage d'écran. Alors c'est sympa, mais j'aurais préféré effectivement... avoir moi-même la souris en main, hein, mais j'imagine, ouais. c'était toujours mieux que rien, d'un jeu donc, qui n'est même pas encore en early access, qui le sera courant du premier trimestre 2018, donc bah, il reste un mois et des brouettes, donc il va falloir qu'il se grouille un peu. Et donc oui, c'est la licence Le Seigneur des Anneaux, et en fait ça correspond plus ou moins au jeu de plateau qui existait déjà, ouais. Qui est un petit peu sur le déclin maintenant, parce que bah, c'est plus compliqué de faire des extensions et tout ça. Et puis le mode plateau, ça devient... Enfin, je pense que c'est un petit peu moins porteur que de toute façon un CCG ou ce type de jeu. Et du coup, là, c'est un studio qui s'appelle... Donc, c'est un studio américain qui s'appelle Fantasy Flight Interactive. Okay. Et qui donc a décidé de reprendre la licence là. Et donc, le jeu s'appelle exactement Lord of the Rings Living Card Game. Donc c'est un peu le même principe d'ailleurs que Slay the Spire, justement j'en ai parlé au dev avec qui m'a fait la démonstration. Mm-hmm. Il connaissait bien sûr forcément, et du coup la différence notable c'est que là déjà il y a un mode coopération qui est prévu, donc, okay. Mais il n'y a pas du tout, donc comme dans Slay the Spire, il n'y a pas du tout de mode PVP, enfin oui, duel, voilà. Joueur, compétitif on va dire, il n'y a pas du tout de mode compétitif à ce niveau là et du coup, bah, ça a le gros avantage d'être d'avoir les persos que tout le monde connaît, que tout le monde adore, Gimli, Aragorn, Arwen, Legolas, tout ça. Non mais malgré tout, même si c'est peut-être des fois un peu gnangnan, tu vois. Enfin moi, Gimli, je le porte pas dans mon cœur, mais c'est toujours cool de faire une aventure avec ces persos-là, parce que bah, qui n'a pas aimé Le Seigneur des Anneaux, quoi. Même les gens totalement incultes de ce monde-là, ils ont aimé le film parce que c'est un beau film, parce que c'est bien fait. Enfin, juste, c'est magnifique, quoi, forcément. À moi, on est un rabat-joie, globalement. Ouais, là, faut vraiment faire exprès pour. Ah, ou alors, ou alors, ou alors d'être trop jeune, tu vois, et du coup trouver que ça a mal vieilli, tu vois, c'est possible aussi. Hein. Oui, bah c'est un peu justement, c'est parce que là, je suis en train d'écrire l'article par rapport à ça, à la présentation, et que je disais que justement, même, enfin, notre génération, on va dire notre génération, parce qu'on a 35 et enfin 34 et plus. Nous, on a connu le film, le bouquin et tout ce qui va bien. Ouais, nous, on a vu le film au cinéma, quoi. C'est ça. Et du coup, ceux qui ont, effectivement, on va dire les 2000, comme on appelle ça, eux, ils connaissent plutôt la version PS4 de L'Ombre du Mordor et tout ça, quoi. Ouais. Mais malgré tout, ils connaissent fatalement Gandalf. Enfin, ouais, ils connaissent le monde de Seigneur des Anneaux, c'est obligatoire. Bon, il y a eu la nouvelle trilogie, quand même, qui a dû... Oui, voilà, t'as Bilbo aussi. Inviter les gens à revoir la première... C'est ça. Non mais tu peux pas. Là, en fait, coup, actuellement, oui. Tu peux pas passer à côté du Seigneur des Anneaux. Ah non, non, c'est pas possible, quoi. Pas pendant les 20 dernières années, c'est clair. Et du coup, justement, niveau temporalité, donc là, ça se passe, bah, comme dans le tout début de la communauté de l'anneau, je vais dire de l'agro, mais de l'anneau. C'était le nom d'une guilde sur Rose pour ça. Et donc c'est au moment du 111e anniversaire, c'est ça, de Frodon. Où en gros ils commencent à connaître Gandalf et qu'ils partent après en bivouac avec tous les autres, quoi. Mmh. Donc il n'y a aucun rapport avec Bilbo et tout ce qui s'est passé avant avec Smaug et toute la Smala, quoi. Okay. Et donc concrètement, il y aura 8 héros disponibles, enfin dans la première version, enfin la première release du moins. Donc il y aura y a 8 héros disponibles et 2 par type de carte, enfin par type de héros, on va dire. Donc il y aura des types de héros. Alors si je me souviens bien, il y a des héros de lore, des héros de sagesse, des héros genre de, je vais dire n'importe quoi, mais genre de combat, et des héros de magie, on va dire. Ok. Ouais. Et donc, en fait, des classes, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu comme une classe ou un peu comme genre les cartes rouges, par exemple, un deck rouge ou un deck bleu à Magic, quoi. Ok. Et tu vas sélectionner ces héros, t'en auras 3 dans ton deck. Donc, n'importe quoi, on va prendre Aragorn, Gimli et Legolas, qui seront des classes différentes. Et vu qu'on aura pris ces héros-là, on pourra prendre des cartes qui appartiennent à ce type de héros, en fait. Ok. Donc, mais toi, en tant que joueur, t'es matérialisé sur le... Pas du tout. En ouais, fait, c'est ça. Ce qui est matérialisé sur le board, c'est tes héros, qui sont des cartes, en fait. C'est ça, donc c'est des héros-cartes. C'est des héros-cartes. Qui restent sur le board. Voilà, qui restent sur le board et qui combattent eux-mêmes. Okay. Combattent donc Sauron, bien sûr. Et le but du jeu, c'est un peu comme dans Slay the Spire, c'est d'aller tu lances une aventure, donc qui correspond à la run. Tu pars de la comté et tu dois aller jusqu'au Mordor. C'est un peu réducteur, mais... ouais, non, en gros, la toute première aventure qu'il m'a montré, c'est... t'arrives dans la forêt de je ne sais plus où... T'arrives sur un board, donc toi t'as ton Aragorn, Legolas et Gimli, t'as une main avec des cartes, avec t'as des petits enchantements d'armes, qui vont buffer tes héros, t'as des créatures, t'as des petits elfes, des guerriers elfes ou des guerriers nains ou des choses comme ça, avec aussi des statistiques, des du points coup, de vie. Du coup t'as des adds, quoi. Oui, tu peux ajouter des cartes serviteurs, je veux dire. T'as des cartes serviteurs, okay. T'as des cartes équipement, donc qui te mettent plus de PV, plus d'attaque, qui te soignent, de choses comme ça. Et Sauron, pareil, il a une main, il a des serviteurs en place quand t'arrives sur le board. Et en fait, vous jouez chacun votre tour, vous placez vos nouveaux serviteurs pour ce tour. Et une fois que chacun a joué ses cartes, le tour d'attaque se lance et chacun attaque à son tour, en fait. Après, ça reste relativement simpliste dans le sens, les cartons de l'attaque, du PV, ça se rentre dedans, ça s'enlève les PV équivalents. Bon, ouais. Mais c'est super tactique, en fait, parce que t'as un objectif à chaque fois de quête, qui est n'importe quoi, de sortir par une telle porte ou de tuer tel ennemi pour accéder à je ne sais quoi. Ah oui, pour, un peu comme de libérer quelqu'un d'une toile d'araignée, par exemple. Un peu comme le... Comment dire, dans les aventures Hearthstone, où tu combattais contre le chariot de la mine. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où il y avait même une ville, je crois, où tu devais. Une ville qui s'écroulait, là. Oui, c'est ça, ouais. Dans les explorateurs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. enfin un temps qui s'est écoulé. Mmh. Mais oui, c'est l'idée. Et en fait, tu peux choisir, par exemple, de focus ta quête et que tes personnages, en fait, ils vont prendre des coups des unités de Sauron, mais ils vont focus la quête, ils vont tous, en gros, aider à débloquer la récompense de la quête. Mmh. Et ensuite, tu choisiras de... Et ensuite, tu pourras partir de ce bord-là et accéder au suivant. D'accord. Et donc, par contre, bah, du coup, quand tu auras fini ton aventure, donc ta run de quatre quêtes, tu auras moins de points parce que tu auras tué moins d'unités de Sauron et tout ça. Okay. Et donc, ces points vont servir par la suite à acheter des cartes. Tu n'as pas vraiment de système en fait, d'achat de booster. Tu achètes des cartes directement. Au lieu de les crafter et tout ça, bon, soit ça revient finalement au même. Et ouais. la simulation d'achat de booster, c'est tu jettes un œil dans le Palantir, en fait, donc qui est la boule de cristal. C'est assez joli en plus. Et donc, tu as le Palantir qui tourne et tu as une vision qui arrive. Et ça te... Alors là, quand il m'a montré, il y avait deux cartes qui sortaient. Et donc, ces deux cartes-là, elles atterrissent dans ta collecte, en fait. Okay. Mais tu as claqué. Donc, là, tu accumules pas des pièces d'or, mais c'est des points de vaillance, en gros. Parce que tu as réussi des missions, que tu es super vaillant, tout ça, tout ça. Et donc, tu claques des points de vaillance et tu achètes des nouveaux héros. Tu peux acheter, genre, il m'a montré, tu peux acheter Sam Gamgee avec ses enchantements, donc genre une carte pour lui filer plus 1 en attaque, plus 1 en défense, un péon hobbit à côté, une unité péon hobbit, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Des cartes en rapport avec lui, on va dire. Et c'est un bundle Sam, pardon. Et voilà, donc tu peux acheter pas mal de choses comme ça, donc ça peut rester free to play, puisque tu peux farmer pas mal les aventures pour cumuler des points de vaillance. Et voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Et donc la version coop, Sauron a plus d'unités, mais en fait chacun des joueurs, il y en a un qui sera en bas du bord, l'autre qui sera en haut. Les unités de Sauron seront au milieu. Mmh. Et il faut coordonner le mieux possible pour arriver à l'objectif de quête. Et ça a l'air assez intéressant. C'est sympa, sympa l'idée de coop. Ouais, ouais, ouais. Après, pour le coup, je l'ai pas vu en fonctionnement puisque il était tout seul à jouer. Mais vraiment, ouais, non, l'idée est vraiment cool. La licence va faire que forcément, il y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Enfin, j'imagine. Oui, pour le coup, c'est. Et que ça a pas l'air trop contraignant au niveau. La possibilité de farm en fait rend la chose pas contraignante niveau argent réel, on va dire. Mm-hmm. Ça plaît en général aux gens aussi. Donc voilà, il y a l'article qui sortira dans le week-end normalement sur la présentation si vous voulez voir les screens et tout ça. Mais on n'a pas encore de date. Oui, c'est ça, il n'y a même pas une date pour une bêta ou. La date butoir pour l'early access, ils ont dit premier trimestre. Il m'a dit qu'il s'y tiendrait. Donc. Ils vont faire une sortie early access, genre sur Steam ? Ouais, voilà, ça va être sur Steam. Oh, et d'accord. Du coup, il y a des packs fondateurs, comme dans tous les early access quasiment. Donc, il y a un pack à 10€, un pack à 20 et un pack à 40, je crois. Où tu auras des cartes, un nombre de cartes correspondant, des cartes spéciales et tout ça, qui resteront bien sûr après la release. Mais, mais voilà, donc si vous avez envie de mettre. De vous faire un petit peu plaisir à jouer. Et c'est Galadriel, c'est la vraie doubleuse de Galadriel qui fait vraiment les voix du jeu, tout le côté narratif. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Et voilà, non, c'est vraiment sympa. Le concept est cool. Et puis voilà, c'est une cible totalement différente. Et voilà, c'est un équivalent de Slay the Spire, en gros, si vous voulez des fois sortir de Hearthstone, Gwent et compagnie, pour vous reposer et faire du narratif plutôt que du compétitif. Ouais, moi, je vais suivre ça de près, hein, franchement. Ça... Ouais, ça peut être vraiment cool. Ouais. Et puis, effectivement, le côté coop. Le côté coop, le côté plutôt aventure. Oui, c'est ça, un scénar. Alors, le scénar, c'est PVP. Jamais... Parce que... C'est pas un nouveau bouquin, hein, mais... Oui, c'est un... j'imagine, enfin, mais... Non mais enfin tu vois pour le coup moi aussi ce qui m'a plu dans Slay the Spire c'est le fait de pas avoir ce stress de la confrontation PVP tu vois d'être en mode posé où t'as parce que ce qui est stressant aussi dans la gestion PVP c'est la gestion du temps c'est que forcément t'es dans une game pour y être du début à la fin C'est un tour qui est chronométré et tout. Slice the Spire, enfin voilà, je vais être vulgaire, mais tu peux aller pisser en plein milieu de, partie. C'est comme Dungeon Run, quoi. Oui, c'est une IA en face, voilà, donc il n'y a pas de temps. C'est ça qui est agréable. Parfois, tu vois, c'est vraiment si tu veux rester dans un jeu de cartes, mais ne pas avoir toutes ces. Après, en fait, oui, d'ailleurs, justement, un truc par rapport à l'IA que je regardais sur le Q&A là, qu'ils avaient fait, les développeurs, c'est qu'en fait, le journaliste disait que l'IA, c'était la chose la plus compliquée à coder, en fait, pour avoir IA digne de ce nom, surtout sur un jeu de cartes avec toutes les possibilités qu'il y a. Et du coup, le gars disait, en fait, qu'ils avaient codé ça, pas pour que ce soit comme un humain qui joue, mais pour que ce soit Sauron qui joue, en fait. Donc, a priori, il est là pour rigoler zéro. Quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas l'aubergiste d'Hearthstone. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, encore un dernier détail, puisque je m'étends mais à chaque fois, mais tant pis, c'est que quand vos trois héros, donc, qui ont des points de vie définis sur leur carte, sont morts, l'aventure se termine et vous remballez et vous reprenez à zéro. Quoi. Moi, j'ai une question. Du coup, si tu passes une salle, mais que t'as un héros qui est mort, du coup, il est mort. Du coup, tu continues ta salle avec deux et héros comme seulement. Comme chez The Spire, tes points de vie, tu les gardes jusqu'à la. Okay, ouais. Enfin, tu gardes ton état de raid. C'est comme si les points de vie étaient divisés en trois personnages, quoi. C'est ça. Ok. Donc, du coup, ouais, non, franchement, encore un autre roguelike qui a l'air cool. C'est un peu a priori la mode aussi en ce moment. Donc, franchement, c'est un early access. Ça sera vraiment guetter la sortie quand. De toute façon, on vous tiendra au courant sur Millennium et peut-être aussi dans ce podcast, éventuellement, quand on en reparlera, quand on l'aura testé. Ouais, plus avant, hein, clairement. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fini pour cette première. C'était un peu long, mais on s'est peut-être des fois un peu perdu en chemin. Oui, voilà. Ensuite, ça reste un pilote. Il sera forcément imparfait. C'est un petit peu la base. Mais on attend vos retours pour nous dire ce que vous attendez au niveau du format, si ça vous convient. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter sur Twitter, sur iTunes et sur la page de la sur page Millennium sur la page aussi, la page sur Millennium et puis on se retrouve on va essayer d'avoir un rythme mensuel à peu près en restant à peu près sur ce format, c'est-à-dire un gros dossier comme là on a fait sur les nerfs, brosser un peu l'actu chaude d'Hearthstone et ensuite parler d'un jeu un peu en dehors d'Hearthstone. Pas forcément aussi proche à la limite que Slay the Spire, je sais pas ce que t'en penses. Mais oui, bah après, attention, il n'y aura pas tout le temps, tous les mois. Ça pourrait être, voilà, en gros, on est des joueurs, quoi, donc on joue pas qu'à Hearthstone. Mm. Et voilà. Bon. Voilà, ce fut un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Pour les courageux qui sont arrivés jusqu'au bout. Bah, j'espère. Pour moi aussi, en tout cas. Et puis, dans un mois ou avant sur Millennium, du coup. Salut. Salut, à bientôt. C'est l'heure de se faire un petit bœuf. Un concert d'applaudissements pour Elite Torrent Shiften.